programme d'aujourd'hui à Assemblage Rookie. Mathieu Janvier jouera une dernière fois avec nous dans sa chronique Jeux à Gogo et on prendra une dernière portion pour la route d'une grosse pointe d'adresse. Assemblage Rookie commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rookie en ce jeudi 26 avril 2018. On est à une journée de la fin de l'année scolaire et je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin, congé aujourd'hui encore une fois. Dernière chance pour elle d'avoir un petit congé de radio comme ça pour la remplacer. Frédéric Simon est là. Bon matin. Bonjour à toi. Et Marc-Olivier Dumas. Bon matin. Les deux de Matière Noire, entre autres, pour l'instant en pause, mais quand même, eux vont revenir potentiellement, c'est prévu. Cet automne, oui. Oui, c'est ça. Demain. Cet automne. Commençons l'émission par tout ce qu'on a vu depuis le début de l'émission. Un camion qui a failli foncer dans le container à poubelle. C'était merveilleux. J'aurais aimé ça qu'ils foncent directement dans le studio pour faire genre une grosse finale de série. mais le problème, c'est qu'on est juste un peu surélevé, tu sais, avec les... Ouais. Ils se seraient fait défoncer par les poteaux d'acier qui, ouais, sont, qui sont juste là, pas d'acier de béton. Est-ce que tu penses qu'ils sont là parce qu'il y a déjà eu un accident dans ce coin-là? J'en doute pas. Pour les éviter. Pour éviter, tu sais, déjà il y a une drop, mais t'imagines le gars il arrive vraiment rapidement. Pogne un saut et bon, c'est moi et Fred qui meurt. Ben c'est ça, ben, attends un peu les spoilers. Là. On veut savoir à la fin de l'épisode qui va survivre à cette émission-là. Oh. Ben là, il n'y a pas eu l'accident, là, mais moi c'est ma théorie. C'est ta théorie. Sinon, qui ne survivra pas? Je pense que c'est les vers de terre aujourd'hui. Avez-vous vu les vers de terre sortir comme si c'était le party de fin de session, genre? Tu marches à chaque pas, t'as un vers de terre en dessous du soulier, c'est incroyable. J'ai pas remarqué, je vais t'avouer. Et ça sent le petit chien mouillé. Oui. Et parlant de petit chien mouillé, on parlait avec David Ferron tantôt au téléphone vers les 7. On va lui parler tantôt pour la dernière fois en ondes. C'est fou, c'est lui qui a insisté à participer à l'émission, mais j'approuve l'idée. J'aime ça, David Ferron. On va aussi parler peut-être à quelqu'un d'autre de plus surprenant. Et David Ferron encore plus. Ça sera bien d'ici la fin de l'émission. Sinon, aujourd'hui, notre seul chroniqueur habituel qu'on a, c'est Mathieu Janvier. Mais tant qu'à l'avoir, on va en profiter parce qu'il va être là pour deux portions de chronique, donc une heure complète. Oh mon Dieu! Avec Jeux à Gogo, Mathieu Janvier à partir de 8h. Plein de jeux de société. Ça va être le fun, hein? Il va falloir faire de la place à la table parce que oui. c'est rempli de bons petits jeux, ça. Sinon, aussi dans l'émission d'aujourd'hui, à la fin, une grosse pointe d'adresse. On va faire ça aussi pendant une heure aujourd'hui. Oh. Et on a des invités spéciaux. Oh. Fait qu'on vous dit pas trop qui, on vous dit pas trop quoi, mais ça s'en vient entre 9h et 10h. C'est pas David. Non, il peut pas être là, c'est pour ça qu'il me téléphone. Ah, oh là là. La déception. David sera une déception. Non, c'est une blague. J'aime vraiment ça faire des blagues comme ça et l'interrompre en disant non, c'est des blagues, t'sais. Mais c'est pas vraiment des blagues. C'est des blagues, mais je le pense. Il ben, y a un fond de vérité. Et au début de l'émission, je me creuse un trou aujourd'hui. Oui. Et la première heure sera composée de notre fameux, internationalement reconnu quiz. Quand même que je suis pas loin avec la clochette. Hein, attends un peu. Ah voilà, le vrai et le faux. Ça vient, tantôt. Je vais vous la laisser, la clochette de l'autre côté de la console. Merci. Je te lance. On va en prendre soin. Merci. Je l'ai attrapé. Je crois. En tout cas, je réserve des surprises aujourd'hui. Je pense que j'ai une deuxième clochette en arrière. Fait que je vais aller chercher ça, puis vous allez pouvoir jouer avec deux clochettes. OK? Oh. OK. Ça s'en vient dans quelques instants. Mais avant ça, Colin, Zen Bamboo, une nouvelle entrée sur le palmarès anglophone. Oui, les palmarès C'est Fou existent encore. Pour vrai? Il y en a un qui commence là, la semaine prochaine. Ah. Donc voici Zen Bamboo avec La Mort. C'est lugubre comme dernière émission, ça. En effet. La Mort. T'aurais dû garder tes histoires de meurtre pour aujourd'hui. Ah, j'en ai plein. Moi, je soupriderai tout le long de l'émission. Est-ce que ça s'améliore à un moment donné? Ben ouais, ok, yeah. Est-ce que ça se pardonne de cette corde enveloppée un pouce d'épais autour du cœur? Puis je vous dis pour neuf, la mort, j'en reviens. lumière du soleil me va pas bien. J'ai mal, je brûle, j'ai mal. Pense que je peux guérir. Oui, je sais comment. Ah bon, comment, comment. Deux, trois pas de danse pour faire tomber les bandages. La mort, j'en veux pas. Mais mon corps, c'est un dégât. Je l'aime pas plus qu'il faut, mais faudrait pas qu'il lâche. La mort, j'en veux pas. Mais mon corps, c'est un dégât. Mon cimetière est rempli de mystères. Une nouvelle entrée de Zen Mambo, la mort à assemblage Rukiok. C'est dark, c'est sombre. Et parlant de sombre, les deux gars de métal. Ce métal rock progressif, c'est quoi votre style de musique, les gars? C'est pas mal. T'as bien décrit ça, métal rock progressif. Ok, sombre. On sort un peu de ce cadre-là de temps en temps, surtout moi. Ah ouais, tu te promènes un peu plus dans le power metal. Ah, c'est vrai, ça ressemble à de la comédie musicale dans l'affaire, c'est vrai. Oui, exact. Disney. Mais je suis dans le power metal, mais. Souvent qu'il y a une touche progressive pareil. On parle de leur émission Matière Noire. Exact. De retour à l'automne. Alors. Exact. Maintenant, c'est le moment de jouer. Alors, tous ensemble, à le vrai le faux. Vu à la télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir. Continue les clochettes, ouais. Annoncé aux informations, deux ou trois mots à la radio et sur Internet. Une tempête d'images, un faisceau. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on peut pas tout savoir. C'est le vrai, le faux, le petit quiz qu'on se fait une fois de temps en temps pour essayer de déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans les nouvelles, dans les médias. Il y a tellement de choses sur Internet, surtout avec Facebook, qu'on se dit « Wow, ça a tellement l'air vrai, ces histoires-là d'immigration, je sais pas trop quoi. » Ben, tu sais, il faut le déterminer si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, c'est vous deux qui allez jouer. Et aujourd'hui, petite twist particulière, on a deux sonnettes au lieu d'une seule. Et chacune ne sont pas sur la même note. Donc, Marc-Olivier sonne. OK. Et Frédéric Simon? Un petit peu plus aigu, Frédéric Simon. Oui. Donc on va pouvoir savoir, je sais pas si c'était comme ça, si on avait assez de budget pour acheter une clochette en do, puis une clochette en ré, une clochette en mi. Mais bon, hein, on est là, on est là. La première personne à buzzer va avoir le premier droit de réponse, bien sûr, et la deuxième personne aura un droit de réplique, un demi-point si vous l'avez en demi, en réplique. En et c'est qui s'occupe des pointages aujourd'hui, parce que je suis nul là-dedans? Je peux les compter. Merci beaucoup à Marc-Olivier Dumas. Donne-moi un instant. Ah ben, je te donne tout le temps que tu veux, en fait, parce que, bon, pour expliquer un petit peu, les liens vont sur assemblagerequis.com, les gars n'auront pas le droit d'aller voir, évidemment, pendant l'émission, même si Marc-Olivier a déjà ouvert les notes de l'émission, pas le droit de cliquer dessus. J'ai pas écrit... Mais j'en ai pas regardé un... T'as besoin de faire deux choses en même temps, les gars. OK, on est prêt. Première oui. question. Attention, on écoute. Main derrière le dos. est-ce que c'est vrai, lors du célèbre bébé royal récemment, vous savez qu'il y a eu un bébé royal, est-ce que c'est vrai que c'est un peu comme dans l'ancien temps, le Royaume-Uni est un petit peu des fois antique dans ses coutumes, avec justement toute la famille royale, est-ce que c'est vrai qu'il y avait un town crier, donc quelqu'un qui faisait « Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah » pour annoncer le bébé, est-ce que c'est une personne qui était engagée par la royauté, est-ce que c'était officiel, Marc-Olivier? Si c'est officiel, je pense pas, mais je pense que c'est vrai qu'il y en avait un town crier. Si je te laisse au moins. Frédéric Simon, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Ça, t'es pas obligé de sonner, t'as pas. Ça va dépendre. Ça va dépendre de comment tu vas l'expliquer. C'était officiel qu'il y en avait pas. Je pense que je vais le donner à Frédéric Simon, en fait, parce que le town crier officiel de la famille royale n'a pas vraiment annoncé la venue du bébé. En fait, c'est un homme déguisé en town crier qui a annoncé l'arrivée. Mais c'est ça que j'ai dit. Mais c'est lui qui s'auto-proclame. Il a absolument rien à voir avec rien. N'importe qui peut aller s'habiller puis faire « Oyez, oyez, le bébé royal est né ». ça a aucune connexion. C'est ça que j'ai dit. Ben, il t'a dit que c'était pas la famille royale qui l'avait engagé, mais que quelqu'un l'a fait. Ouais, c'est un peu ça. Je sais pas, j'ai de la misère avec ça. Je vais dire. Un demi-point chaque. Ouais, fait qu'à égalité pour l'instant. Ouais, c'est ça. C'est Tony Appleton, son nom. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'un économiste italien a été enlevé d'un avion pour avoir fait des calculs mathématiques qui ressemblaient à du terrorisme? Je dirais que c'est faux. Que c'est faux, Frédéric? Je veux dire que c'est vrai. C'est vrai! Ça marche mieux de même, hein? Parce que c'est sûr que quelqu'un va avoir un point si, si j'ai l'air d'hésiter sur ma face. Guido Manzio, un économiste italien, a été retiré d'un avion parce que ses collègues passagers pensaient que son problème de mathématiques avait l'air un petit peu suspect. Ça s'est passé en mai 2016. C'est un économiste de l'université de Pennsylvanie, Guido Manzio, qui était monté dans un avion de American Airlines de Philadelphie à Syracuse. C'était un petit voyage de transfert pour se rendre à un endroit. Bref, il s'est assis, il a commencé à travailler sur une série d'équations très complexes utilisées par des modèles mathématiques comme les économies nationales, oui. Et puis, finalement, quelqu'un s'est plaint et ils ont retiré cet homme de l'avion. Donc oui, tout à fait vrai. Il a pu revenir plus tard avec les agents de American Airlines qui ont déterminé qu'il n'était pas une menace pour les autres passagers. Ensuite, prochaine question, est-ce que c'est vrai qu'une YouTubeuse populaire prévoit de faire un avortement en direct devant les caméras pour recevoir des dons bitcoins? Frédéric Simon. Je vais dire que c'est faux. Je vais suivre avec le vrai. Non, c'est faux. Frédéric Simon, j'ai pas bien eu le choix. Ben, c'est ça, t'as pas bien eu le choix. C'était le 10 avril 2018 que le site Daily World Update a publié un article par rapport à ça, mais ce site-là est un site de parodie de nouvelles. Donc, c'est une parodie de tout ce qui est clickbait et nouvelles politiques. Merci à Sébastien Gertin de m'avoir éclairé sur les bitcoins. Oui, c'est vrai, c'était bon, hein, ça, oui. Au Mathieu Plante Show la semaine dernière. Hey, à la 200e du Mathieu Plante Show, la dernière. Oh. Mon côté obsessif-compulsif, c'est-à-dire mon seul côté, était bien content de finir sur un 200. Là, ici, je vais finir sur combien de numéros d'assemblage requis? 1242. C'est un chiffre pas rond, y'a qu'un peu. Et... Fait qu'on sépare l'émission en plusieurs émissions pour se rendre jusqu'à 1250 au moins, tu sais, aujourd'hui. Ah, c'est un bon plan. Ensuite, prochaine question dans le vrai le faux. Est-ce que c'est vrai qu'une femme a survécu au Titanic, à Lindenberg, à Pearl Harbor et au 11 septembre? C'est l'histoire de Anna Mae Dickinson, Marc-Olivier. Je dirais que c'est faux. Que c'est faux? Je suis vrai dans le même sens. Ben, vous avez chacun un point. Tu fais bien, des fois, de prendre le même côté que l'autre. Un point, chaque. Ben, j'ai comme plus un demi-point vu qu'il y a... Ouais, c'est ça, je voulais dire. Ça paraît-tu que je suis pas un animateur de quiz dans la vraie vie? Demi-point, Frédéric Simon, merci d'être honnête comme ça. Anna Mae Dickinson, qui n'a pas survécu à toutes ces tragédies-là. En fait, on l'appelle souvent la femme la plus chanceuse au monde. Ça tourne sur Internet depuis des années. Et Anna Mae Dickinson, on dit que sa première mention date d'un article de 2006 posté sur le site web Instapunk. L'article a été publié après la sortie du film de 2006 d'Oliver Stone, World Trade Center. L'article riait en fait du fait que les New Yorkais trouvaient qu'il était trop tôt pour sortir un film sur le 11 septembre. Donc, il y avait une entrevue fictive avec Anna Mae Dickinson publiée pour souligner ce point-là. Mais tout ça était bien sûr faux. Ben là, c'est surtout l'affaire Titanic et 9/11. C'est un peu comme loin l'un l'autre, hein? C'est ça, là, il aurait fallu qu'elle survive au Titanic à 2 ans, puis qu'elle survive en tant que vieille mémé en train de visiter World Trade Center. Ouais, exact. Les chances sont faibles. Très faibles, et ça a été inventé de toutes pièces, comme je disais, en 2006. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'une femme a frappé son copain à mort parce qu'il l'avait trompé dans un rêve? Marc-Olivier. Il y a des femmes assez folles pour faire ça, donc c'est vrai. Frédéric? J'endosse pas les propos, mais je veux dire vrai. C'est faux. Oh. Oh, ça a été le fun, hein, ça que vous voulez dire, ça a été le fun. Non. Non. Mais drôle, une bonne nouvelle, ça va être la bonne radio, c'est ça, hein? 29 mars 2016, le Valley Report a publié un article là-dessus. Tout ça n'est pas vrai. Le site vient de Valley Report, qui est vraiment un site de satire et de fiction. La photographie qui est dans l'article, elle, vient d'une photo d'arrestation d'une femme arrêtée en Floride après un accident de la route en Floride. Encore. Tout se passe en Floride. Justement, en Floride, est-ce que c'est vrai qu'un homme en Floride est allé se stouler lui-même pour avoir tué son ami imaginaire? Oh, ami imaginaire qu'il aurait tué, Frédéric Simon. Je veux dire vrai. Ah, c'est faux. Ah, j'avais pas répondu. Je sais, t'as raison. J'ai dit que j'étais pas un bon animateur. Faux. Non, Non, pas de point. T'as pas le droit. 12 mai 2015, donc c'était sur le site web moron.com. Moron.com. qui a nommé Jeff Gaylord comme personne qui, qui est allé en prison pour se saouler lui-même après avoir tué son ami imaginaire qui s'appelait Mr. Happy. L'histoire a réussi à tromper des milliers de lecteurs sur les réseaux sociaux, entre autres des sites comme The Inquisitor et Mandatory qui ont republié ça comme si c'était de la vraie nouvelle. Ça a trompé Fred. Ben oui. Oh, mais il y a un petit côté de moi qui voulait y croire. Ben oui, mais c'est ça, c'est une personne qui a un problème mental. Ça peut arriver, ces affaires-là. Oui. Ça pourrait arriver. Mais bref, c'est faux. Ensuite, continuons, je vais essayer de vous donner une chance aux deux. Là. Okay. Est-ce que c'est vrai que les magasins utilisent présentement de l'encre qui disparaît elle-même sur des reçus pour décourager les retours de marchandises? Comme dans l'encre va facilement s'effacer avec le temps. Marc-Olivier. Je dirais que c'est faux. J'abonderais dans le même sens. C'est pas mal faux. Il y a un petit peu de vrai, mais c'est faux. Ouais, ben, l'encre s'efface avec le temps, oui, mais je pense pas que ça soit volontaire que... C'est exactement ça. C'est une impression laser, de toute façon. C'est en tout cas, sur un papier exprès pour ça. C'est cheap, là. Ouais. Oh, c'est ça. Ben, c'est fait pour économiser de l'argent, en fait. C'est des mesures qui ont été prises depuis des années pour imprimer les reçus sur du papier thermique, en fait, qui montre qui a tendance à devenir plus fade lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à la lumière. Et tu sais... Des fois, on laisse ça dans l'auto ou dans les poches. C'est ça qu'on peut écrire avec nos ongles dessus. C'est ça, pour vrai? Ah, ça, je savais pas ça. Oui. Ouais, je vois du monde faire ça, puis je me demande tout le temps, c'est quoi la magie de ça? Non, c'est juste qu'à cause de la friction, mais c'est là que ça imprime sur le papier. Wow! Bref, leur raison d'utiliser ce format d'impression-là, on dit que ça peut être aussi efficace que les reçus, donc c'est vraiment pour économiser de l'argent, mais ils disent que ça fait la même chose, donc c'est pas pour décourager les gens de ramener leurs articles parce qu'on voit plus ce qu'il y a sur la facture. C'est faux. Hein? Anyway, ça prend du temps là, avant que ça s'efface. Là. Ouais. Si t'as pas ramené ton article après 3 mois, il y a un problème. Ben c'est ça, tu sais, des fois il y a des garanties qu'il faut t'aider la facture, comme mettons une garantie d'un an, mettons, puis ils te demandent la preuve d'achat, mais... Mais dans ce temps-là, de toute façon, les factures, tu peux les mettre dans des endroits plus sécuritaires. Ouais, ou tu les prends en photo aussi. Si vraiment tu tiens à ton item, ben tu vas prendre soin de ta facture aussi. Un petit peu d'effort. Hein? Tu gardes pas ça dans tes poches. Non. Est-ce que c'est vrai que changer ta localisation sur Twitter, changer ton pays, à la place de Canada, tu marques Allemagne, est-ce que c'est vrai que ça bloque le contenu nazi? Oh, ça réfléchit fort, ça réfléchit fort. Oh, Marc-Olivier. Faux. Vrai. C'est vrai. Oh. 0.5 points. C'est bien ça. Oui. certains socialistes nationaux, les nationalistes blancs et les profils Twitter nazis sont cachés complètement lorsque vus par les utilisateurs qui sont en Allemagne. C'est un paramètre qui cache la plupart des choses. Il y a quelques trucs qui vont quand même persister. Et on ne sait pas non plus comment Twitter fait pour sélectionner quels comptes et quels tweets vont être cachés. Mais il y a quelque chose comme ça. Ça doit être un algorithme assez complexe. Exactement. Des mots, j'imagine, même des variations de certains mots, des fautes d'orthographe, des trucs comme ça. Mais c'est informé, tout ça, en fait, ça vient d'une loi locale, parce qu'en Allemagne, les lois autour du hate speech, donc le discours haineux, sont pas mal strictes. Oui, beaucoup plus qu'ici. Ouais, c'est ça. Des petits doutes pourquoi. Oui, exactement. Vous avez sûrement vu des jeux vidéo censurés où la personne qui est supposée être Hitler, avec sa moustache, est transformée par juste un vieux monsieur grincheux. Ben, c'est le même personnage sans la moustache. Sans la moustache et sans les drapeaux derrière nazis sont remplacés par d'autres symboles. On peut faire le lien que ça c'est supposé représenter des méchants qui tuent du monde, mais c'est pas littéralement Hitler, c'est genre mon président, peu importe. Je comprends pourquoi, tu sais, c'est quand même un sujet très sensible en Allemagne. Mais à un moment donné, il va falloir que... T'sais, ça fait partie de la vie, puis apprendre à vivre avec l'histoire qui s'est passée, d'après moi. C'est pas ce qu'on choisit de faire. Hein. Ben, tu sais, ça reste encore frais. Il y a encore du monde qui ont vécu à ce moment-là. Il y a encore du monde qui ont honte ou qui étaient des SS. Fait que je peux comprendre, mais éventuellement, il va falloir que. À mon avis. Oui. Ben oui. Donc, vous pouvez aller dans vos paramètres vie privée, dans le contenu, dans le pays et choisir Allemagne. Et ça va cacher le contenu nazi. De toute façon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens au Québec qui partagent du contenu nazi. Non. Non. Effectivement, mais si vous voulez vivre l'expérience de voir encore moins de contenu nazi. Est-ce que c'est vrai qu'un homme a été pris pendant 71 heures dans un ascenseur, ça c'est pas la question, et ensuite qu'il a mangé sa femme pour survivre après 71 heures? Oh, j'ai pas regardé les clochettes, c'était frais. C'est faux. J'abonde dans le même sens. C'est faux. Effectivement, effectivement. quand même. Hein. C'était une autre nouvelle du World News Daily Report, un site de nouvelles fake, qui disait que Bruce Franklin de Philadelphie avait tué et mangé sa femme après avoir été pris dans l'ascenseur pendant 71 heures. J'imagine que le temps est relatif, ça doit paraître encore plus long, mais c'est pas une raison. Pas capable de passer 3 jours avec ta femme. Pas capable de passer 3 jours sans manger ta femme, c'est ça que t'as dit? Ouais. Ça dépend de quelle façon de manger. Hein. C'est ça, en tout cas. On passe à la prochaine question. Ben, avec grand plaisir. Tantôt, tu jouais la marche impériale, ouais, c'est ça. Fais-le le don. Hein. Ok. Est-ce que c'est vrai, justement, parlant de mauvaise musique? Non, c'est faux. Est-ce que c'est vrai? Ben, en fait, c'est un peu vrai par la bande, vous allez comprendre. Est-ce que c'est vrai que les fans de Radiohead ont été pris un petit peu en flagrant délit et on a beaucoup ri d'eux parce qu'ils ont applaudi pendant une session de tuning des instruments de Radiohead? Je dirais que c'est vrai. Okay. Je vais dire faux. C'est faux, oh. C'est faux. Ça aurait été drôle quand même. Hein? c'était le festival de musique et de performance d'art performatif de Glastonbury qui était en juin 2017. Et il y avait une capture d'écran d'un article qui avait l'air d'être de la BBC qui parlait de fans de Radiohead qui avaient applaudi cette session-là de tuning en pensant que c'était une vraie chanson. L'image imite, comme je dis, le format de la BBC, mais il n'y a pas cet article-là sur le site de la BBC. Et ce serait donc un faux article qui viendrait en fait du compte Twitter d'une boutique de fleurs de Londres. Le tuning devait pas être assez déprimé pour représenter du Radiohead. C'est ça. Pas mal ça. Est-ce que c'est vrai, prochaine question, que 2 poignées de cachou, c'est équivalent à une dose de Prozac pour la dépression? C'est quoi le Prozac? Le Prozac, un antidépresseur. Est-ce que je t'ai vu cliquer? Non. Marc-Olivier. Je dirais que c'est faux. Ben, je vais y aller pour vrai. C'est faux! Que 2 poignées de cachou, c'est équivalent à du Prozac. Non, même qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi le Prozac, comme Marc-Olivier, donc oui, un antidépresseur. C'était à la fin de 2016 qu'on a trouvé cet article-là. C'était pas nouveau en 2016, ça venait de bien avant ça, oui. Selon l'article, la recherche, les études avaient prouvé l'efficacité des cachous comme antidépresseurs, ajoutant que Big Pharma, donc les grandes compagnies pharmaceutiques, avaient essayé de cacher cette étude-là. Pour cacher les cachous? Cacher les cachous! Mais c'est faux, voilà. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'un prisonnier au death row, là, quand tu t'en vas pour attendre qu'on te tue, finalement, lors de l'exécution, comment on appelle ça, death row? L'allée de la mort. Le corridor de la mort. Le corridor de la mort, c'est exactement. Ça. Comme quand t'allais chez Walmart, t'avais un corridor de la mort, l'enlever. Est-ce que c'est vrai qu'un prisonnier sur le corridor de la mort a mangé, comme dernier repas, une Bible? Marc-Olivier. C'est vrai. Je vais croire Marc-Olivier. Ah oui! Mais non, c'est faux. Ah. C'est faux. Jeremy Morris n'a pas vraiment mangé. J'ai vu tellement souvent cet article-là. Pour vrai, hein? Oh oui. Caroline, ben, ça a commencé en avril 2017. C'est encore une fois un article du World News Daily Report. Un autre article complètement inventé. Et la photo qui a été choisie est d'un gars qui a l'air particulièrement épeurant avec des tatous d'en face. Mais non, c'est un autre gars qui a commis un autre crime. En fait, c'est une photo de Michael Campbell, délinquant sexuel. Évidemment, qui a gagné de la notoriété en 2013, où on avait son avant et son après qui montraient son visage tatoué. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'un homme japonais a été écrapoute à mort par une pile de pornographie? Écrapouti par sa pornographie. Un très bon titre. Oh, Marc-Olivier. C'est faux. Je veux dire, qui garde autant de pornographie pas dans un ordinateur? C'est pas qu'on a Internet, hein? C'est vrai. Mais non, c'est faux. C'est faux. Non, c'est vrai. C'était en mars 2017. Plusieurs journaux médias sur Internet ont parlé de cet homme qui aurait été tué par une pile de 6 tonnes de pornographie. Ouais. Son ordinateur, il pesait 6 tonnes. Et Crime, ça a été long à télécharger. C'est pour ça il est rendu vieux. Puis il y a Internet depuis le début. Donc, c'est vrai qu'un homme japonais est mort dans son appartement par une tonne, autour d'une tonne de pornographie, selon le site japonais Nikan Spa. Mais il est mort d'une attaque cardiaque. Fait que, il est mort autour de sa pornographie, mais c'est pas la porno qui l'a tué. Ben, oh, peut-être. L'excitation peut causer bien des choses, j'avoue. En plus, ça dit, genre, dans l'histoire, dans la nouvelle, que la pornographie a absorbé ses fluides corporels, ce qui a causé l'odeur qui aurait alerté ses voisins. Donc, ça n'a pas pu alerter les voisins parce que l'odeur corporelle avait été absorbée par les magazines. Mais c'est tout à fait faux. Est-ce que c'est vrai, ça va être lugubre celui-là, je m'excuse, 7h30 pour les auditeurs qui déjeunent. Est-ce que c'est vrai qu'un travailleur, une travailleuse, hein, oui, une travailleuse dans une morgue a été arrêtée, clairement c'est une fille parce que le reste de l'article dit, que c'est qu'elle a donné naissance au bébé d'un homme mort, travailleuse dans une morgue, Marc Olivier. C'est faux. Je vais dire faux aussi. Effectivement faux, ouais, c'est vraiment faux. C'était en novembre 2010, le site Dead Serious News a publié cet article-là disant qu'une femme travailleuse dans une morgue était devenue enceinte après avoir eu des actes sexuels avec un homme mort. Les médias ont pas mal partagé ça. Il y a aussi un autre article du World News Daily Report qui était sorti, qui était un peu le même genre. On dit que c'était un spoof, une parodie. Voilà. Tu sais, la seule possibilité, c'est qu'il y ait eu du sperme qui survive. Ouais. Même encore. Même là, comment est-ce qu'il va faire pour l'éjecter et le rendre assez profond? Non, il a fallu que ce soit genre une donation à la fin. Genre, elle trouve sa donation dans une banque de sperme à la toute fin, puis ça a l'air que c'est le gars qui est mort à la mort qui a travaillé. Ça aurait pu, mais. Ouais, mais ça aurait pas fait un article, ça. Les gens qui sont morts, qui ont des dons de sperme, ça doit être super courant, non? Probablement. Souvent, ben oui, j'imagine que les hommes qui sont en phase terminale de je sais pas trop quoi, qui font un don de sperme pour leur femme, quelque chose, ou pour le futur de sa famille. Peut-être, c'est possible. Je sais pas. On va rester dans les morgues. Oh! Est-ce que c'est vrai qu'un employé dans une morgue a été, brûlé, ou tu sais, la crémation, comment t'appelles ça, mais par erreur? A été brûlé, mis en cendre par erreur, Frédéric Simon. Faux! J'aborde dans le même sens. C'est faux. C'est en fait un poisson d'avril. C'était le 1er mars 2017. Le site web World News Daily Report, nos préférés, disait que Henry Paul Johnson de Beaumont au Texas avait été incinéré, c'est le mot que je cherchais, alors qu'il était en train de faire sa sieste au travail. Donc, il serait mort par accident par un de ses collègues de travail. Quelqu'un l'a pris pour le corps mort d'une victime de l'accident de voiture de 52 ans. Il l'a amené jusqu'à l'incinération. Tu sais, amené jusqu'à l'incinérateur. Le gars était endormi et il se serait pas réveillé. C'est juste ridicule. Bref, les températures entre 1400 et 1800 degrés Fahrenheit, il aurait été réduit en cendres. C'est fou. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'un homme sous a eu des relations avec un bonhomme de neige et a perdu son appareil génital à cause du gel, Marc-Olivier? Je suis prêt à croire que c'est vrai. Je vais dire que c'est faux. C'est faux. Oh. Quelqu'un dessous qui aurait perdu son pipi après une engelure, si on veut, après une rencontre sexuelle avec un bonhomme de neige. C'était en décembre 2016. Et c'était une variante ici, le site de fake news Thug Life Videos, qui a publié cet article-là. En fait, ça disait que c'était un homme canadien nommé Kenneth Gillespie qui aurait été pénalisé. Non, mais tu sais, je veux dire, peut-être qu'il aurait trouvé le bonhomme de neige de son goût, puis. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, comment oses-tu présumer le sexe de ton bonhomme de neige aussi? De toute façon, c'était peut-être un gars, mais peut-être l'homme était gay, on sait pas. C'est possible. C'est possible. Voilà, il y a plein d'autres détails, vous pouvez aller les lire sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. On reste avec un homme ici, donc c'est le lien que j'ai à faire, c'est un homme. Est-ce que c'est vrai qu'une étude nous apprend? Il y a déjà quelqu'un qui a sonné sans faire exprès. Est-ce que c'est vrai qu'une étude nous apprend que les barbes des hommes sont remplies de matière fécale? Marc-Olivier. C'est faux. Je vais dire vrai. C'est faux. C'est faux. Complètement faux. Mai 2015, une rumeur a commencé à circuler en ligne disant qu'une étude avait analysé les barbes d'hommes moyens avec une découverte incroyable que c'était rempli de matière fécale qu'on appelle du caca. Les grands titres parlaient de toutes les études et l'intrigue était vraiment là. Les gens l'ont parlé dans vraiment beaucoup de médias. Vous avez certainement entendu parler de ça à ce moment-là. Finalement, c'est faux. C'est complètement faux. Cette étude-là est basée sur quelque chose de peu crédible. On parle en fait plus de... Ils ont comme un petit peu modifié la nouvelle pour avoir l'air plus sensationnaliste. On parle de bactéries qui proviennent de l'estomac, donc gut bacteria. C'est pas la même chose que du caca et c'est pas aussi alarmant ni dangereux. Il y a vraiment eu une ambition, si on veut, une exagération alarmiste en disant que les barbes étaient aussi sales qu'une toilette. C'est ce qu'on a entendu dans vraiment beaucoup de médias. Ah oui, je m'amuse à prendre ma marde puis de la mettre dans ma barbe, tu sais. Ouais, mais tu sais, des fois, ça se peut, les gens se lavent pas les mains aussi bien qu'ils devraient ou tu sais, touchent à une poignée de porte après se gratte la barbe. Fait que ça pourrait arriver. Mais je pense qu'ils se sont trompés de poil avec un poil de fesse. Il y a quelques semaines à l'émission, je pense que c'était même la semaine passée, ouais, on a goûté à des Takis, les chips Takis, qui étaient vertes en genre de petits rouleaux. Il y a une nouvelle qui est sortie récemment. Est-ce que c'est vrai que les chips de marque Takis causent des ulcères et du cancer chez les enfants? Oh, Frédéric Simon. Faux. Même réponse. C'est un mélange. On va déterminer le pointage dans quelques instants. C'est vrai que la consommation excessive de nourriture épicée, comme les Takis, peuvent mener à des douleurs d'estomac et à des gastrites chez les enfants. Ce qu'il faut, par contre, c'est que il n'y a pas vraiment de risque significatif d'ulcère et de cancer. On dit que les Takis sont des collations mexicaines qui sont connues pour leurs épices. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de risque d'ulcère et de cancer. De toute façon, donc, consommation de peu près n'importe quoi de façon excessive va causer des problèmes. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on se dit. Fait que c'est, je dirais que c'est pas mal plus faux que vrai. Ouais, c'est faux. T'sais, c'est comme si tu manges beaucoup de tarte, ben ça se peut que tu prennes la bédaine. C'est ça. Ouais. Qui a le point là-dessus? Un point demi. Un c'est lui qui décide les points, c'est correct. C'est tes règles, je suis tes règles. Le premier qui répond, s'il y a bonne réponse, c'est un point. Le deuxième, un demi-point. Ce quiz-là méritait un juge. Et voilà, avec un juge de talent. Hein? Bon, hey. Tania voulait vraiment gagner, fait qu'elle se donnait des points. Plus est-ce que c'est vrai qu'une console Xbox One a tué un adolescent? Xbox One aurait tué un adolescent après avoir éjecté par force un disque du jeu Black Ops 3, ce qui aurait tranché sa gorge, Marc Frédéric. Fred, c'est faux. Faux. Faux? Des deux bords? Faux des deux bords. Ouais, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai que c'est faux. Donc, c'est le 25 juillet 2015. Le site web Newswatch 33 a publié un article disant que l'adolescent nommé Marcus Davenport avait été tué quand son système Xbox One a eu un bug et a éjecté un disque tranchant sa gorge en passant à travers le salon. J'imagine aucune vérité là-dedans. Ça vient du site Newswatch 33, qui est un site de fausses nouvelles qui fait pour avoir l'air vrai par ça ressemble à un site de station de télé. C'est le même site qui avait dit qu'une femme avait été électrocutée par ses écouteurs d'iPhone et des trucs comme ça. Donc, ils inventent des affaires pour faire peur au monde. Je pensais que t'allais dire que la Xbox a explosé. Je t'aurais dit c'est faux, c'est à cause d'un iPhone 7. Ah! Samsung 7. Samsung Galaxy S7. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de mots dans ces téléphones-là, sérieux, c'est dur à retenir. On a fait une première round. On est rendu à combien pour le pointage? C'est 9 pour Fred à 8.5 pour moi. Oh, 9 à 8.5. On aura le temps de se reprendre tantôt parce qu'on va revenir avec une deuxième partie de ça. Mais on revient après la pause. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Un point, non? Toujours à son large requin, ce jeudi 26 avril 2018. Je m'appelle Mathieu Plante, Tania Baudin, congé aujourd'hui pour le remplacer avec Frédéric Simon et Marc-Olivier Dumas. Allô? Allô? Allô? Allô? Parlant de allô, on a notre petit chien mouillé préféré. Salut David Ferron. Salut petit chaton. Petit, tantôt t'avais dit petit chat mal léché, puis tu sors ça, juste petit chaton. Mais c'est joli, mais ça fait vraiment particulièrement. Ben oui, en onde, je suis un peu plus gentil avec toi, mais je suis gentil avec toi juste en onde, en fait. Ben oui, c'est ça. En onde, on se blasse tout le temps, mais en onde, des fois, ben oui. Je m'en permets un peu, de façon sympathique. Mais je peux vous le garantir, les couteaux volent bas quand ils ne sont pas en onde. C'est vrai, hein? C'est pas mal. Dans le studio, là. Ben en effet, c'est ça, je voulais te refiler la facture pour les bandages suite au couteau que tu m'as donné. Ben, je saigne encore un peu, faut que... Ben non, c'est pas vrai, en fait, je voulais t'appeler justement parce que vu que c'est la dernière de la saison... Mm-hmm. Absolument, la dernière de ce chapitre, oui, exactement. Donc, je voulais juste te dire que ça a été vraiment un plaisir de collaborer avec toi tout au long de ces nombreuses années, parce que ça fait longtemps quand même. Oui, c'est ça, on dira pas, parce que sinon ça va me vieillir. Hein. J'ai commencé ici, j'étais jeune adolescent. Ben, ouais, en fait, on était des petits flots, puis on animait déjà, ça s'appelait Assemblage Nintendo, je sais plus trop assemblage quoi, mais ça fait... Assemblage Bambino. C'est ça. Et on devrait faire comme les Muppets, là, faire un spin-off, là, mais avec nos versions enfants. Et les Muppets Babies. Tu es capable de retrouver ta première émission? Ben oui, c'est sur le site web. Moi, tu sais, je suis un gars organisé depuis toujours, dont depuis la toute première émission. Parce que même ma première émission que j'ai fait en... 2004. mettons, est encore là. J'irai pas les écouter parce que j'aurais honte, mais ils sont là, si vous voulez y aller. Et même... juste, vous êtes juste pas game de la mettre lundi matin. Pour... ben, moi, je pourrais la mettre en ligne, par contre. Ah, ben oui, hein, mais... Non, je ferais passer lundi matin à la radio à 7h. On recommence la première émission. On t'en a quoi, 1242 pour remplir la prochaine année. De toute façon, t'as rien d'autre, hein? Pour l'instant, pour l'été, ça va être pas tranquille, mais sinon, je peux toujours justement mettre un spécial Tam Tam Gabonais. Ah, ou... j'aime ça. Ou des, le meilleur de l'Eurovision. Ben oui, aussi, mais parlant de... Mais parlant, c'est ça, tu disais que l'Assemblée Junior, ben justement, il y a Eurovision Junior, fait que j'aurais pu faire des chroniques là-dessus, mais wow. Je serais pas fini plus. Non, t'aimes pas les enfants? Ben, pas que j'aime pas les enfants, mais c'est une section que je m'en fous un petit peu. Bon. L'Eurovision, ça, c'est pas l'affaire, genre, qui ressemble un peu à la voix, mais nationale, ouais. Là? Ben, pas européen. C'est plus complexe. Ça. C'est plus complexe. C'est un peu un mélange entre les Olympiques, le scoreball, la voix, un petit peu, c'est un mélange de tout ça, en fait. Est-ce que t'es le para-Eurovision? Y a-t-il un para-Eurovision? Para-Eurovision, ça s'appelle Eurovision Asia. Ah, c'est pas fin. C'est pas ça fin. S'appelle vraiment comme ça, c'est ça le pire. Ouais. Et Marc-Olivier, tu disais quoi? Mais c'est pas du sport, c'est vraiment sport. De l'art. Ben, c'est en fait, c'est de la chanson, faire un wrap-up, c'est qu'à chaque année, il y a au moins une quarantaine de pays qui envoient soit un groupe ou un chanteur-chanteuse pour faire une compétition et le pays gagnant organise l'Eurovision l'année suivante. Mm-hmm. Ça, c'est pas du Super Bowl, les Olympiques. C'est pas du sport, c'est pas du Super Bowl, mais en même temps, Marc-Olivier, hier à l'émission, parlait des Jeux Olympiques et des sports particuliers qu'il y avait, puis il y avait genre de la peinture. Oui, il y a déjà eu des compétitions d'art. Donc ça pourrait fonctionner. Au début, ça a été même pendant longtemps. Pendant une trentaine d'années, oui. 30 ans. T'imagines? Wow. Imagine le bon stock qu'il y aurait eu là-dedans. Pourquoi tu te parles pas une émission avec le meilleur de la musique depuis le début de la musique? Oh! Hein? Oh, ben, mais là, surtout qu'ils veulent peut-être mettre les jeux vidéo dans les Jeux Olympiques. Ça se passe, je sais pas si ça va se confirmer ou pas, si c'est des rumeurs, mais. C'est démonstratif cette année. En démonstration à Tokyo en 2020, et éventuellement, soit ça va entrer dans le programme réel à Paris en 2024, mm-hmm. ou ça va partir de son bord avec des e-games. Ouais. Hey, ça, c'est mon nom que c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit hier. Tu l'as dit, toi? Oh, oui, oui. Okay. voilà pour ça. By the way, c'est dit en onde, donc s'il y a quelqu'un au monde qui le fait, fait cette idée-là avec le nom exact e-games, je l'actionne, il y a des copyrights. David, e-games. David, c'est mon avocat va t'envoyer une lettre, ouais. David. Et... J'aime ça les avocats, je manque de la guacamole. Est-ce que tu as une émission cet été, David? Oui, je vais avoir une émission cet été. Ça commence dans à peu près 2-3 semaines. Ça va être mardi à 11h. Mardi à 11h le matin, OK. Et ça va être quoi? Ouais. C'est la suite de l'Hub Trotter? Ben, ça va être l'Hub Trotter. Mm-hmm. Donc, ça va être de la musique de partout dans le monde, comme ils diffusent à chaque session. Là, on prend une petite pause semi-printanière et tout ça, je sais pas trop comment le dire. Mais on prend une petite pause, puis après ça, on va revenir de l'animé les mardis à 11h, puis il va y avoir, si tout va bien, des entrevues avec des artistes, avec des teasers culturels aussi. Donc, les années d'avant, on faisait des entrevues avec des artistes qui représentait les Nuits d'Afrique, qui est un très beau festival. Ça vaut vraiment la peine d'y aller. C'est à Montréal. C'est un peu loin, mais c'est il y a une très belle ambiance, un très bel esprit dans ce festival-là. Super, ça. Sinon, ben, on te félicite aussi pour ton travail en tant que DG intérim en ce moment au groupe des médias étudiants. Oui, paraîtrait-il. Selon ce que j'entends dire, j'ai appris que je l'ai. Mais oui, donc aussi c'est durant l'été, parce que comme je viens de le démontrer, la station est ouverte. Vous pouvez soumettre des émissions. Oui. Si jamais vous avez une bonne idée d'émission, vous pouvez toujours l'envoyer à prog.prog. C'est fou à grandsalqtr.ca. C'est parfait. Prog et c'est fou. Donc, comme directeur de la programmation, tu l'as dit, prog c'est fou à @qtr.ca. On encourage tout le monde à le faire. C'est ma belle fun. Rencontrer tellement de bonnes personnes à cette station-là. Hein, c'est fun. Merci, David. Est-ce que tu as, je te l'ai pas demandé avant, mais c'était une chanson fétiche du moment? Là. Chanson fétiche du moment à part l'Eurovision, évidemment. Ça peut, si tu veux. Si tu insistes, ça pourrait être Eurovision, mais quelque chose que tu écoutes en ce moment sur Repeat. Ben, en fait, il y a plein de choix. C'est sûr qu'il y avait Non, inquiète pas, parce que là, je me dis, les mamies russes, ça serait drôle. Non, ça, j'ai mon droit de veto là-dessus. J'ai mon droit de veto, c'est des vieilles personnes. Vieilles personnes. Des madames qui chantent. Et t'es gériontophobe. Gériontophobe. Ouais. Oui, ben sinon, il y aurait Blouson Noir d'Aaron. Blouson Noir d'Aaron. On va écouter ça. Oui, c'est un gros français que j'ai déjà interviewé, puis vraiment, si vous aimez la musique plus pop électro de qualité, c'est vraiment un exemple. Excellent. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup, David Ferron. Bonne fin de journée. Je sais que t'es beaucoup occupé aujourd'hui, c'est pour ça que t'es pas avec nous en studio pour faire une grosse pointe d'adresse à l'émission. On va s'ennuyer de toi. Ben oui, moi, je m'en vais enterrer des eaux, puis m'amuser dans la pluie, waf. Amuse-toi. À bientôt, David. Bye, tout le monde. Tumbleweeds on roads. Because we are every last dashing shadow. Because we're poems on sidewalks. Because you are the needle in my arm. We are equals. We are mirrors. We cut the night. The sleepless wanderings of road. C'était Aaron avec Blouson Noir. Assemblage Rockichois de David Ferron. Le vidéoclip de Blouson Noir a John Malkovich, que j'adore, dedans. Et un autre de ses clips, si je reconnais bien sa face de côté, je crois que c'est Gad Elmaleh. Donc il y a quand même pas mal des gens connus dans ses clips. Aaron, A-A-R-O-N, la pièce Blouson Noir. Et on rappelle d'écouter David Ferron les mardis à partir de 11h au mois de mai. Voilà, et pour le reste de l'été. Tantôt on était dans le vrai le faux, on va y retourner. Oui, c'est ça exactement. Ding ding ding ding ding. On a encore quelques minutes pour essayer de faire un score qui est de l'allure, parce que là, c'est de 9 à 8.5, c'est bien ça? Oui. Exact. Pour le score, 9 pour Frédéric Simon. Oui, c'est oui. ça. Donc continuons avec notre prochaine question. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans le vrai le faux? Est-ce que c'est vrai que sur un grille-pain, le bouton là, c'est le petit bouton rond, oui. là, c'est pour le nombre de minutes et non pas le degré de noirceur, Marc-Olivier? C'est faux. Je pense que c'est vrai. C'est faux. Hey, tu viens de perdre ton avance, toi. Hein? Ben tu oui. viens de perdre ton avance. Donc, c'est une image qu'on voit souvent sur Internet, sur les réseaux sociaux, disant que le petit bouton détermine la durée des toasts en quelques minutes et non pas le degré de noirceur. Mais c'est complètement faux. En fait, presque tous les appareils du genre viennent avec un manuel. Et selon les manuels de cuisinaire de Longhi, brevet les d'autres, le degré de noirceur est constant parmi toutes les marques populaires. Donc, c'est si tu mets un 7 sur ta toast dans un grille-pain Cuisinart ou dans un Breville, ça va être la même affaire. Je suis pas d'accord avec cette affirmation-là. Selon mais je sais compagnie. Que je le mette à 2 ou que je le mette à 7, il n'y a pas 5 minutes de différence. Ben non, c'est ça, il faut être cave pour penser ça, voyons donc. Hein? Fred? C'est blague. Bref, c'est selon ces compagnies-là, c'est fou. Ensuite, est-ce que c'est vrai, ça date de vraiment il y a longtemps, on parle de 1959, est-ce que c'est vrai dans le film Ben-Hur que Cascadeur est vraiment mort et qu'on l'a gardé dans la version finale du film? Frédéric Simon. Vrai. C'est faux. C'est faux! C'est quelque chose qui est partagé depuis vraiment longtemps, j'y croyais moi, j'y croyais Fred, c'est faux. C'est faux. Cascadeur n'a pas été tué pendant la scène de course de chariot en 1959 dans Ben-Hur. Disons que ça, en disant, c'est ça, le fait disait que ça avait été laissé dans le film final. Cette rumeur-là est étiquetée comme fausse sur l'Internet Movie Database. Donc, on parlait du cascadeur Stephen Boyd qui jouait le vilain Micella qui aurait été tué pendant cette course de chariot. Cette rumeur-là est attachée à pratiquement chaque blessure dans des scènes rares. On essaie de l'appliquer à plusieurs scènes. Il y a tellement de détails dans l'article que je ne vous lirai pas tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est faux. Hein? Il existe, dans la version de 1959, une liste des cascades dans la scène de chariot que vous pouvez aller voir. C'est une vidéo YouTube qui est sur l'article sur assemblagerequis.com. Mais en tant que telle, la nouvelle, on l'a dit, c'est faux. Les détails sont sur le site. Je fais un petit aparté vraiment rapide sur... En tout cas, je sais que c'est sur Xbox Live, mais je sais pas si c'est disponible probablement sur PS4 aussi. Il y a un jeu de Ben-Hur qui a été créé, et c'est vraiment atroce. Mais c'est le fun d'aller télécharger ça parce que c'est gratuit. Puis c'est comme juste des courses de char, mais c'est vraiment mal fait. Ah ouais, puis, contrairement au film, est-ce que c'est du genre mal fait comme E.T.? Au non, point où c'est qu'il faudrait cacher toutes les copies au Nouveau-Mexique? Non, mais c'est quand même bien fait. Relativement, là, d'un côté graphique. C'est la mécanique qui est vraiment mauvaise parce que le but pour réussir dans le fond tous les achievements, il faut que tu détruises tous les autres chars, mais à coup de fouet. Ah, ben que oui. tu les fasses planter dans le mur. OK. Donc, oui, c'est ça. À ne pas conseiller. Non. Ben, si vous voulez rire un peu, vous pouvez le télécharger puis après ça le supprimer. Le jeu Ben-Hur. Procurez-vous aussi le jeu de Benoît Gagnon. un couple. Hein? OK, on voit pas grand-chose, mais il semble qu'il y a beaucoup plus de poussière que... Dans la vidéo que j'ai postée sur... Non, je regarde l'affaire de Ben-Hur que Fred nous parlait. Ah, le jeu vidéo. Je vais vous parler, moi, de d'autres choses pendant ce temps-là, pendant que tu te divertis toi-même, Marc-Olivier. Vas-y. Un couple qui apprend, en fait, le couple, gars-fille, ils apprennent qu'ils sont en fait jumeaux biologiquement pendant un traitement. On a découvert dans leur ADN qu'ils étaient des jumeaux fraternels, donc non identiques. Frédéric Simon. Faux! Vrai. C'est faux. Ah, yes! Ça aurait été le fun, hein? ça a été le fun. C'était la mi-avril 2017, plusieurs publications en ligne aux États-Unis et au Royaume-Uni, dont le Daily Mail, Fox News, The Inquisitor et plusieurs autres ont publié cet article-là sur un couple qui avait cherché un traitement pour concevoir via une technologie in vitro, fertilisation in vitro, seulement pour découvrir à leur grand choc qu'ils étaient en fait des jumeaux biologiques. Tout ça vient d'une seule source, c'est le site web du Mississippi Herald, pardon. Ils n'ont pas fait leur recherche parce que le Mississippi Herald n'a aucun détail vérifiable dans l'article. Donc, il n'y a pas de détails pour pouvoir prouver la réalité de cette nouvelle-là. Ce qui donc veut dire que c'est pas mal faux, en fait, parce que le Mississippi Herald, lorsqu'on cherche plus longtemps, même chose pour le Denver Inquirer, c'est des sites de fake news qui sont installés là seulement pour propager des nouvelles qui ont l'air vraies. Tu sais, il y a des sites de fausses nouvelles que c'est fait pour être humoristique, que c'est clairement faux. Il y a des sites qui sont là pour faire propager des nouvelles pour qu'elles aient l'air vraies et que les grands médias embarquent, et c'est ça qui est plate, ça fonctionne. Est-ce que c'est vrai qu'une jeune fille de 7 ans s'est fait poser des implants mammaires? Marc-Olivier. C'est faux. J'abonde dans le même sens. Ouais, vous avez raison, c'est faux. C'est faux. Marc-Olivier est quand même fort, il a réussi à poinçonner son buzzer en même temps qu'il fait autre chose. Ouais. Quand même, efficace. Je suis complètement dans la lune. Déconcentré par ce que Marc-Olivier regarde, c'est ça? Oui. Oui, exactement. Le 7 février 2017, World News Daily Report, c'est encore nos amis de ce site-là qui ont dit que cette fille de la Californie avait reçu des implants mammaires après avoir achalé sa mère, pendant 2 ans. Donc, Dana Manson, qui aurait accepté l'offre de sa jeune fille Juliette, après avoir rencontré un psychiatre renommé, Eduardo Ramirez, pour dire, en fait, ce médecin-là, mais confirmait que ça allait améliorer son estime d'elle-même. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'un homme en Floride est mort dans un laboratoire de méthamphétamine dans une explosion après avoir accidentellement fait exploser son pet? Son pet, Frédéric Simon. Faux. C'est vrai! C'est faux! Oh. C'était le 14 février 2016. Le site web de divertissement de Valley Report a publié ce faux article-là, disant que l'homme était mort dans un laboratoire de méthamphétamine, la drogue causée par l'inflammable PET susmentionné. Il n'y a aucune façon de vérifier ça. C'est que c'est complètement faux. Ça vient, en fait, le Valley Report d'un humoriste de Los Angeles. Mais tu sais, il me semble de voir le coroner de cet incident-là faire comme... cette explosion-là a été causée. Je trouvais ça juste drôle. Le cacaronner. Justement, parlant de pet, oui. Hein, est-ce que c'est vrai qu'un pet a allumé un feu pendant une chirurgie, ce qui a brûlé le patient? Donc, ce serait le patient qui aurait lui-même pété pendant la chirurgie au Japon, ça aurait allumé un feu. C'est Olivier. Faux. Faux aussi. Faux. Hey, c'est vrai. C'est vrai. C'est fou, hein? C'est le journal japonais Asahi Shimbun qui nous dit que le patient a pété pendant sa chirurgie. Ça a allumé un feu, ça a causé des brûlures à son corps. C'est une femme, la patiente. On dit que ça a lieu au Tokyo Medical University Hospital le 15 avril 2016. La patiente était dans sa trentaine. Elle vivait une opération où on appliquait un laser à son cervix. Supposément, le laser aurait allumé le gaz. Le gaz aurait allumé le gaz, finalement. Ça a fait partir un feu qui a brûlé une bonne partie de son corps. On peut pas en rire. Dont sa taille et ses jambes. Les dossiers de l'hôpital le mentionnent, disant qu'il y avait aucun, il disait qu'il y avait aucun matériau ou matériel inflammable dans la salle d'opération à ce moment-là et que l'équipement fonctionnait de façon normale, mais ça a quand même eu lieu. Ça s'est rendu jusqu'à quelque chose qui a pris en feu, faut croire, quelque chose qui n'était pas normalement inflammable, qui n'aurait pas été dangereux, mais dans ce cas-là, ça a été dangereux par un hasard total. C'est l'irradiation du laser qui aurait pris en feu. Voilà. Hey, c'est tout. On finit sur des pets. Score! T'en as plus? Non. Fred gagne par un demi-point. Oh! Hey, c'est le même demi-point que tantôt en première période. Parce que oui. C'était 9 à 8.5. Oui, là, c'est combien? 11.5 à 11. Wow! Caroline, félicitations, Fred. Ben, merci. T'es bon, ça clochette. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans cette démarche. C'est parce que j'ai essayé de prendre des réponses connes. C'est aussi parce que tu faisais d'autres choses et tu réfléchissais pas autant. Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? C'est ça. Voilà, le vrai, le faux. C'est tout. Merci. Wow! on se quitte avec la pièce Le vrai le faux de Jérôme Minière. Puis on se retrouve après ça avec Mathieu Janvier, sa collègue à gogo. Et cette langue est très mélodique, une invitée spéciale. Mais c'est un peu triste. Vous n'y comprenez rien. Vous n'êtes qu'un touriste. Et toutes vos photos sont floues. Même celles où vous posiez debout devant ce très beau monument, dans le soleil couchant. Thank you. 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment annoncer aux informations deux ou trois mots à la radio et sur internet une tempête d'images, un faisceau, le vrai, le faux se touchent dans le noir car oui vraiment on ne peut pas tout savoir. La place grouille de monde. Vous arrêtez une seconde, nous ne sommes que des fourmis. Et la réalité est plus dure, et la réalité est moins pure que sur des brochures que l'on distribue à l'entrée. Plusieurs fois vous hésitez, le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux. Des histoires, et du matin au soir, nous écoutons des histoires, sans savoir ce qu'il faut croire. C'est dans la machine, c'est dans votre tête, parfois tout est si flou. Du matin au soir, nous racontons des histoires. Et du matin au soir, nous écoutons des histoires. Fermez les yeux pour voir, une pensée se promène. Ici allume une lampe, tout contre votre tempe. Le vrai, le faux, se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. On examine un souvenir et l'on peut se dire, l'as-tu vécu, l'as-tu rêvé? Avais-tu les yeux ouverts, avais-tu les yeux fermés? L'as-tu vécu, l'as-tu rêvé? Avais-tu les yeux ouverts, avais-tu les yeux fermés? Le vrai, le faux se touche dans le noir. Every time the feeling comes, you never question why it comes to this way. Say you never get an answer that way, but then you wonder anyway. Just you don't really think about it, and you don't really try to figure it out. Night after night, you chase it away, but you know you can never get away that easy. And you wonder why it comes to you, but you know that's hard to say. Though you know it feels bad to feel like a space case, like a loser in a meaningless place. Oh, I can't tell what's worse. Yeah.

Assemblage requis, n'est-ce pas? Que c'était bon ça. Maintenant, avant de passer à Mathieu Janvier, qui en passant est déjà avec nous. Mathieu, salut, premièrement. Bonjour. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, très bien, vous autres. Super, super. De quoi tu veux nous parler dans quelques instants? On parle de jeux coop et je vais présenter un genre de top 10 à peu près de mes jeux préférés. Ah, c'est fantastique. C'est une grosse chronique de jeux à gogo dans quelques instants. Mais pour l'instant, on a notre amie Tania Baudin qui est au téléphone. Salut Tania. Hey, bon matin. Bonjour, madame qui est de façon très très sécuritaire là, en train de nous parler par téléphone cellulaire, n'est-ce pas? Oui, je sais pas pour vous à Montréal, mais ici au Québec, la température en hein? Ah, je pense que le satellite, d'après moi, a de la misère à, parce qu'on manque des mots, mais c'est pas grave. Donc t'es à Québec en ce moment, c'est ça? Oui, exactement, je suis rendue à Québec. Vers ton nouveau travail? Oui, ben oui. Est-ce que tu nous as parlé un petit peu en ondes de c'était quoi ton travail, mettons, dans les grandes lignes? Pas du tout, je pense. Non, c'est ça, ça nous intrigue, nous. Tu sais, on s'ennuie pas. En fait, pour la plupart des auditeurs qui nous écoutaient depuis plusieurs années, ben, j'imagine que vous savez que je viens du monde de la course automobile. Ben oui. Donc, j'ai décidé de faire un retour, en fait, dans le monde de l'automobile. J'ai décidé de retourner tout simplement à mes bonnes vieilles amours. C'est le fun pour toi, pour vrai. Donc, dans une belle petite place à Québec comme ça, elle vient de se trouver un loyer en plus. C'est tellement rapide. Elle est efficace, cette fille-là. Job, loyer, ça n'a aucun sens. Merci, merci. Puis elle garde le beau temps pour elle. C'est, ben oui, c'est ça. Hein? Ouais, j'ai essayé de le faire travailler le beau temps, là, parce que ça semble pas très, très efficace ce matin. Ce fait fine, c'est Mossad, pas mal. Oui. Ouais. Mais nous aussi, ouais, on est Mossad. On va te l'envoyer. Parce que c'est la... Voyons, hey, c'est difficile au téléphone. Vas-y. Merci, Tania, pour tes années de service. En fait, j'ai compté un petit peu hier, j'en parlais avec Alain, notre directeur de la programmation, qui me dit que ça fait moins longtemps que j'avais l'impression que c'était. Fait que je sais pas si c'est une bonne affaire, parce que ça fait que le temps avait l'air plus long, mais moi, je pense que c'est plus parce que j'ai profité de chaque moment avec toi. Apparemment qu'on a animé ensemble pendant peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Ça se peut-tu, ça? Automne 2015, peut-être? Oui, ça se peut, ouais, le 3 ans. Je pense que la première année, on faisait simplement les palmarès ensemble. Dans l'assemblage. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça, le temps qu'on a passé ensemble a été absolument fantastique. Tu as amené tellement de choses à l'émission. Tes chroniques étaient toujours excellentes. Et moi, je vais m'ennuyer d'animer avec toi. Mais comme on a déjà dit en ondes et hors ondes, on va pas arrêter de se voir puis on va pas arrêter de faire des choses ensemble dans les médias, n'est-ce pas? Ben non, exactement. On a encore plein de projets puis ça devrait quand même se concrétiser dans les prochains mois. Pas mal rapidement, je pense. Je pense que ça va nous manquer trop pour pouvoir remettre ça plus tard. Donc, merci, Tania, et puis bonne chance dans tout ce que tu fais. Bon appartement. Hein? Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. Je dois le dire, tu m'as demandé d'animer avec toi il y a 3 ans, puis ça a été une des plus belles expériences de ma vie jusqu'à présent. T'es trop fou. Merci beaucoup, puis bien, Mathieu, l'autre Mathieu Janvier. Oui. Bienvenue dans l'équipe. C'est ça, quand même beaucoup de succès à l'antenne avec Mathieu Plante. Tania souhaite à Mathieu Janvier un grand succès. Mathieu qui l'entend pas en ce moment, mais quand même. Ah, j'entends un peu. T'entends un petit peu à travers. Un peu. Mais merci, Tania. Mes écouteurs. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Tania. Toi aussi, bonne chance dans tes réussites. Tania qui aurait facilement pu ne pas animer, en fait, hein, parce qu'au départ, je révélerai pas trop les behind the scenes de ça, mais au départ, ça a failli pas fonctionner. Finalement, ça marchait. Elle a failli faire juste peut-être une année et s'en aller. Puis finalement, ça a continué pendant 2-3 ans. Donc, j'ai été vraiment chanceux et choyé de te rencontrer. Ouais, Mathieu m'a gardé pendant quelques années, finalement. Ouais, c'est ça. Il était pas encore tanné. C'était sûrement pas ma faute, c'est ça. C'était un point positif, quand même, dans le travail. Donc, merci encore, Tania Baudin. Et bonne merci route. Merci beaucoup, Mathieu. Salut. Bye, bonne journée. Tania Baudin, co-animatrice de l'émission. Encore, on dit aujourd'hui, en remplacement d'elle, que c'est Marc-Olivier et Frédéric. Donc, elle est l'animatrice officielle de l'émission jusqu'à la dernière minute. On a pris un petit peu de retard, mais quand même pas tant que ça, parce qu'on a une gigantesque, une très grosse chronique qui commence à l'instant avec notre très bon ami Mathieu Janvier. Voici Jeux à gogo. Me parle là au début, par contre, là, ce serait comme un petit peu meilleur. On va refaire ça, OK? Ça va être bon. Deuxième prise, OK? C'est Mathieu Janvier. Voici Jeux à gogo. Oh, come on, t'es pas fin. C'est YouTube. Deuxième prise. Troisième prise. On va couper ça au montage. Mathieu Janvier. Jeux à gogo. Troisième prise retirée. Je te jure, si tu marches pas, là. Ah voilà. Ah, elle valait la peine. Oh. Des choses comme ça qui valent la peine d'attendre. Fallait l'attendre, c'est ça. Elle se laissait désirer. Mm-hmm. Un peu comme Mathieu Janvier, toujours. On le désire à chaque semaine parce qu'il nous parle de choses. C'était vraiment bizarre. Il nous parle. Je vais changer ça. Ça se coupe-tu? Non. Non. On parle de jeux de société avec lui, jeux à gogo. Et on continue, en fait, la suite de la semaine passée. On était rendu où dans tout ça? On avait brièvement parlé des jeux de coopératifs. Coopératifs. Collaboratifs, des jeux qu'on joue, qu'on doit travailler ensemble, finalement. Oui, c'est ça. Ouais. J'avais surtout nommé parler de la gamme Pandémie. Oui, c'est vrai, Pandémie Contagion. Contagion, qui était le petit frère différent parce que lui, il n'est pas coop. Un petit frère différent. Ouais. On a tous ça. Mais il y avait le Pandémie Le Remède qui était une version D, le Pandémie Classique. Il y en a un que je n'avais pas mentionné, puis je voulais juste en parler brièvement, c'est la gamme Pandémie Legacy. Oh, Legacy. Donc, ouais, c'est des classique. Jeux. Non, ce que ça veut dire, Legacy, c'est un système qui a été inauguré avec Risk Legacy. Donc, on connaît le risque, mais dans la version Legacy, c'est qu'on devait écrire sur le plateau, on devrait ouvrir des paquets qui étaient fermés au début de la partie, qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Il fallait atteindre un certain objectif dans le jeu pour pouvoir l'ouvrir, puis voir ce qu'il y avait dedans. On commence la partie, il faut choisir un pouvoir pour notre race, on jette l'autre. Mettons, c'est un petit autocollant qu'on met sur notre plateau, on jette l'autre. Donc, moi, si ma copie de jeu, ben, joue tel peuple, je vais avoir un pouvoir différent que toi qui a choisi c'est quand même cool pour ta copie de jeu. Là, c'est vraiment différent. Puis, idéalement, on joue avec toujours les mêmes personnes, on joue plusieurs parties. Si, mettons, je conquéris toute l'Amérique du Nord, ben là, je peux nommer le continent, puis j'écris sur le plateau le nom que je veux. Ouais. Puis, ça va rester de même pour le reste de toutes les de parties. La vie, ben oui. Ouais. Puis après, mettons, un certain nombre, mettons, une quinzaine de parties, ben là, il y a comme un grand gagnant. Okay. Et ça finit là. Fait que ça, c'était le concept de Risk Legacy. Et ça existe encore, ça. Bien sûr. Okay. Oui. Mais le concept a été après repris dans plein de jeux, dont Pandémie. Mm-hmm. Donc, dans Pandémie Legacy, on est encore dans l'univers de Pandémie, on essaie de guérir les maladies, mais là, il y a des événements qui arrivent, imprévisibles. J'ai pas joué, puis tu sais, je peux pas en dire beaucoup sans gâcher le plaisir, ouais. Ceux qui voudraient l'essayer. Mais, mettons, je suis dans une ville alors qu'il y a une grosse infection, mon personnage peut être blessé de façon permanente. Mm-hmm. Donc, je vais mettons, il perd une capacité. Donc là, c'est sûr, ça va être plus dur de réussir à la partie si mon médecin n'est pas aussi bon qu'il était avant, mais c'est, le jeu évolue, il y a des événements surprises, il y a plein de choses qui arrivent. Donc c'est un genre à part qui est très, très, ouais. Très, très, le très, legacy très comme dans laisser quelque chose derrière toi quand tu lègues quelque oui, chose. Oui, un héritage. Un héritage. Mais c'est un terme un peu arbitraire pour dire ouais. Un jeu qui se modifie au cours de la partie. Exact. Puis, tu sais, il y a eu plusieurs jeux là-dedans, puis je pense que ça va quand même continuer, peut-être pas, c'est pas devenu le genre absolu, là, mais c'est comme une catégorie spéciale de jeu que moi, je suis pas tant attiré par le fait de modifier le jeu de façon permanente, ouais. Mais je vois comment que ça pourrait attirer certains ouais. Joueurs là, qui veulent une expérience différente. Donc, je voulais juste nommer ça. Après, j'avais, je pense, brièvement nommé Au feu. Donc, un autre thème moderne. Ça vous dit rien, cela. Ça vous dit rien? OK, non. Bon. Fait que c'est dans... On est une équipe de pompiers. Oui. Il y a une maison en flammes. Il y a des victimes prises dans la maison. Donc, on va devoir rentrer dans la maison, les secourir, faire attention parce que là, pendant qu'on est là, le feu continue de se répandre. Fait que là, il se répand partout. S'il y a trop de victimes qui meurent parce qu'ils sont brûlés, ben on perd la partie. Ça, c'est glauque pas mal. Est-ce que c'est des vraies oui. Personnes? C'est des petits jetons pour les victimes parce que des fois, il peut y avoir un endroit où on entend du bruit, ouais. On va voir et finalement, il n'y a rien. OK. Il n'y a pas les petits animaux de compagnie, là? Oui, aussi. Il y a des petits chiens puis des petits chats puis ça compte dans les victimes. Il faut les sauver aussi. Je suis pas capable de jouer à ça sans pleurer tout le temps. Ouais, non, c'est ça. Mais ce qui est le fun aussi, ben, c'est le fun d'une ouais. Façon, purement ludique, là, c'est que quand les feux vont comme exploser, là, la chaleur monte trop, ça affecte les murs. Mm-hmm. Donc, les murs subissent des dégâts. Quand le mur a subi assez de dégâts, on peut passer à travers. Le mur est défoncé. Il existe plus. Par contre, si la maison subit trop de dégâts, la maison s'écroule et on a perdu. Hey, okay. Donc, il y a un côté que ça nous aide un peu, mais faut pas que ça arrive trop souvent. Il y a un aspect stratégique au fait de je peux peut-être laisser brûler un petit peu les murs, m'avantager, mais faut quand même que je garde ça sous contrôle. Oui, c'est ça. Un pompier peut même décider de donner un coup de mur pour l'ouvrir. Ah ouais. Mais ça fait du dégât à la maison. Il existe un mur porteur qui ferait tomber toute la maison? Non, c'est vraiment les dégâts totaux. C'est illustré comment les... Là, sur le plateau, moi, je l'ai dégâts. Pas joué là, c'est pour ça que je l'ai pas amené, mais sur le plateau, on va placer des cubes aux endroits où les murs ont subi des dégâts. S'il y a deux cubes, le mur est défoncé. Mais ça veut dire aussi, mettons, je sais pas, il y a 25 cubes qu'on peut placer. Après, là, après ça s'écroule. Ce qui est fun aussi dans Au Feu, c'est qu'on peut changer de rôle pendant la partie. Contrairement à Pandémie, qu'on a le même rôle toute la partie. Mettons, celui-là, je commence secouriste, je suis meilleur pour aider les victimes à sortir de la maison. Mais, ah, ben là, finalement, il faudrait conduire le truck pompier. OK, ben, je change de rôle. Je prends le truck de pompier, j'arrose la maison, je réduis beaucoup, beaucoup de feu. Fait que ça, c'est un point vraiment intéressant. La polyvalence des rôles. Ouais, qu'on peut changer, mais ça nous coûte des actions. Fait que là, on n'a pas nécessairement toujours le temps de faire ça. Là. Okay. Mais c'est possible. Un autre jeu, toujours coop. Ça, c'est dans la gamme des jeux tellement durs qu'on gagne une fois puis c'est un miracle. Mais t'es vraiment fier après avoir gagné. Exact, c'est ça. Là, on l'a mérité, sauf si on a triché. Là, mais en théorie, quand j'ai gagné, j'ai pas triché. C'est Ghost Stories. Donc, dans Ghost Stories, on est des moines taoïstes. On va défendre un village. Ça fait un peu Tower Defense, là, si on connaît ce style de jeu-là. Donc, le village va être composé de tuiles comme ça. Là, ignorer le plateau en dessous. C'est du beau gros carton épais carré. Ouais. Donc, il va avoir 9 tuiles. Là, j'en mets quelques-unes. Et on va chacun avoir un plateau joueur qui va être autour de ces tuiles-là. Mm-hmm. C'est encore une fois vraiment du très, très beau carton. Et de l'art dessus. Il y a presque des peintures. C'est un de mes artistes préférés dans les jeux de société. Il s'appelle Pierrot. On peut nommer... C'est vrai, on les nomme pas aussi. Non, je ne vais pas parler des auteurs de jeux, tout ça. Mais peut-être qu'un jour, j'en parler plus longuement. Donc... On va chacun avoir notre moine, on va pouvoir se déplacer dans le village, faire les différentes actions des villageois. Mais à chaque tour, on va piéger une carte, et là, il y a un fantôme qui va arriver sur un de nos plateaux. Mm-hmm. C'est pour ça que sur les plateaux, il y a différentes cases, c'est qu'on va placer des cartes de fantômes là-dessus. C'est ça, puis je vois que chaque personnage va avoir ses propres habiletés. Oui, on a chacun un pouvoir différent. Mettons, le moine rouge peut se déplacer plus rapidement, le bleu peut... attaquer un fantôme et utiliser le pouvoir d'un villageois. Et en plus, chaque personnage a la possibilité d'avoir deux pouvoirs différents. Mm-hmm. Fait que d'une partie à l'autre, on a toujours de quoi de nouveau, puis ça nous force à jouer de façon à s'adapter à ce qui se passe. Et c'est très minimaliste comme jeu. Ah ben là, c'est parce que j'ai pas tout sorti, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de stuff. Ah, pour vrai, OK. Oui, oui. Donc, les fantômes vont arriver sur les différents plateaux, et là, il y a des fantômes, il y a certains fantômes qui s'accompagnent d'une figurine. C'est surtout ceux-là, c'est les fantômes hanteurs. Donc, ces fantômes-là, peux-tu me passer un petit plastique noir joli? Ouais. Moins facile à peinturer, sûrement, quand ils sont noirs, non? Ouais, là, mettons que c'était pas dans mes priorités. Non, c'est que même quand il est noir, il faut le primer pour que la peinture pogne dessus, là, mettre la couleur directement sur la figurine. Ça, tu vois comment je m'intéresse aux détails de ces affaires? Donc, il va y avoir une carte, là. Là, j'ai pas tout sorti. Là. Donc, il va y avoir une carte de ce genre-là sur le plateau. Carte un petit peu plus mince, plus classique. Ouais, une carte vraiment standard. Donc, mettons exactement, lui, c'est un hanteur. Fait que quand le fantôme apparaît sur mon plateau, je le mets ici. Sur c'est pas toutes les passées, il y a deux passées. Ouais, il y a comme deux petites cases. À mon prochain tour, au début de mon tour, tous les fantômes devant moi, ils activent leurs compétences. Mm-hmm. Donc, lui, sa compétence, c'est d'avancer d'une fois. OK. Mm-hmm. Puis là, ça fait rien. Ouais. Mais ça, c'est comme un timer, là. C'est pas bon, là. Mais à mon prochain tour, il avance encore une fois. Puis là, devant, il va avoir une figurine, une tuile de villageois. Les cartes viennent compléter. Quand le fantôme est arrivé dans le village, il hante la tuile. Oh! On vire la tuile. Et là, il repart à son point de départ. Quand la tuile est hantée, on peut plus utiliser cet endroit-là. Mm-hmm. Puis si 3 tuiles sont hantées dans le village, on a perdu. OK. Okay. C'est comme le fantôme a pris le contrôle. Mm-hmm. C'est fini. Puis aussi, si on meurt tous, on a perdu aussi. Là. Puis si on le manque de temps, parce qu'il y a comme un paquet de cartes, si on passe à travers le paquet et on n'a pas gagné, ben on perd aussi. Donc, ce fantôme-là, par exemple, va hanter à chaque tour. Il y a d'autres fantômes, là, lui, c'est un fantôme de l'extension, qui vont nous forcer à lancer un dé spécial. Un cochon garou. Ouais. Un cochon garou. Ouais, ben, ils ont tous des drôles de dessins. Là. Fait que, mettons l'autre fantôme dont je parle, il va nous forcer à lancer un dé. Mais ce dé-là, ça peut être rien, ça c'est pas pire, mais ça peut nous faire perdre la vie, du chi là, dans le jeu. Ça peut hanter une tuile immédiatement, ça peut nous faire piéger un fantôme de plus qu'on doit tout de suite mettre en jeu. Fait que le jeu donne vraiment le feeling d'être comme oppressé, de toujours, tu sais, on a battu un fantôme, mais il y en a deux autres qui arrivent et ça arrive plus. Une tuile qui est hantée, est-ce qu'on pourrait l'exorciser par exemple? Oui, on peut. Il y a une tuile dans tout ça qui permet de déhanter une tuile, si je peux ainsi dire. Et on a aussi un pouvoir spécial qui est un jeton yin-yang, qui est comme notre pouvoir suprême, mais on peut l'utiliser pour pouvoir déhanter une tuile. C'est la seule façon d'arrêter cette façon de perdre-là. Là. Mettons que l'exorciseur s'est fait hanter... Ouais, là, t'as pas le choix d'utiliser ton yin-yang, mais on est limité dans la quantité qu'on a. Fred? J'ai joué plusieurs heures à ce jeu-là sans jamais gagner, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Ah bon, oui. Mais ce qui est pas pire de Ghost Stories, c'est que, tu sais, on avait parlé un peu du danger la semaine passée de un joueur qui dit aux autres quoi faire. Là. Ouais. Mais dans Ghost Stories, quand on attaque un fantôme, ça lance des dés, fait qu'on peut pas vraiment dire ah ben là ça serait bon, mais si tu réussis pas, c'est vraiment pas bon. Si tu essaies de l'exorciser. Donc moi c'est ça que j'avais apprécié, c'est que y a pas une solution là. Y a comme ok, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Qu'est-ce qu'on essaye? Qui est moins risqué de faire. Ouais. Donc, Ghost Stories, 60 minutes, 1 à 4 joueurs, c'est ce que je vois sur la boîte. C'est bien ça. Ouais, mais mettons 60 minutes, il est peut-être généreux. Là. Okay. On pourrait parler pas mal d'une heure et demie, deux heures. Ah, ok. Okay. Ouais, ben moi, en tout cas, les parties que j'ai faites, là, même quand ça allait bien, puis on passait pas trop de temps à discuter, c'était quand même une bonne heure et demie. Là. Fred, qui était pas bon, je dirais. Ouais, toi, que ça. Quand on a joué pendant à peu près, je te dirais, un bon 5 heures. Là. Oh! On a fait deux parties, okay. Puis une qu'on a pas fini maintenant. Ouais, tu sais, moi aussi, là, je pense que j'ai fait des parties plus longues que 2 heures. Là. Ça reste quand même, c'est pas un jeu qui est très très cher, là. C'est 50$. Là. Il y a des jeux qu'on va retrouver beaucoup plus chers que ça. Mm-hmm. Donc c'est quand même bon pour plaisir le prix. Comme ça, ouais. Ghost Stories. Exact. Ah, merci. Ensuite de ça, Chevalier de table ronde. Donc, c'est l'autre jeu que j'ai ici. Un gros jeu. La grosse grand planche, déploiement. Bien coloré. Donc, ce jeu-là, ça a été un des premiers. Je sais pas si ça a été le premier, mais un des premiers à introduire le concept de traître dans les jeux coopératifs. Donc, à ce moment-là, on parle de jeu semi-coopératif. Pourquoi un traître? C'est que dans le jeu, on va tous recevoir au début de la partie une carte de loyauté. Et ce qui rend le jeu intéressant, à mon avis, c'est d'en mettre autant de cartes loyauté que de joueurs. Fait que là, on est 4, mettons, je mettrais 4 loyales. Et une carte félon. Donc, c'est notre traître de service. Donc, quand on distribue les cartes, peut-être qu'il n'y en a pas de félon. OK. Mais personne ne va le savoir parce qu'on va donner une carte à chaque joueur. Chaque joueur regarde sa carte. On ne voit pas les autres. Et celle qui est écartée, on ne la regarde pas non plus. Donc, on va avoir comme un peu une situation de paranoïa qui s'installe. Puis c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Il y a la possibilité de jouer, mettons, on est sûr qu'il y a un félon, il faut juste le trouver. Mais je trouve que ça rend la partie du félon vraiment plus dure. Là. Il y a un petit peu de bluff là-dedans quand même, pas mal. Ah ben oui, beaucoup. Surtout si c'est sûr, si on est traître. Et le jeu somme toute, assez simple. On va jouer des cartes. Dans le fond, à chaque tour, on pige une carte noire, qui est une carte mauvaise. Ah. On va la placer sur un lieu. Là, j'ai comme mis le plateau principal, mais il y a d'autres lieux. Il y a la quête du Saint Graal, il y a la quête d'Excalibur. Il y a différents plateaux sur lesquels on va aller jouer. Et ces cartes-là vont être placées sur ces plateaux-là. Mettons, là, en ce moment, j'ai pigé. Non, c'est sûr, on ne dit pas c'est quoi les détails de la carte qu'on pige, mais je vais dire Lancelot Dragon. Donc, cette carte-là va aller sur le plateau Lancelot. Là, je peux la jouer face visible pour montrer à tous c'est quoi la valeur de force de Lancelot. Et le dragon, une fois que Lancelot est vaincu. Mais je pourrais la jouer face cachée aussi, comme là, c'est un 1. 1, c'est vraiment pas beaucoup, évidemment. Fait que je pourrais la jouer face cachée parce que ça va me donner une carte blanche. Puis les cartes blanches, c'est des bonnes cartes. Puis c'est une des seules façons d'avoir des cartes. C'est difficile de se procurer des cartes dans le jeu. Donc, je vais la mettre face cachée. Mais un traître pourrait mettre face cachée une carte qui est très forte aussi. Puis dire, ah non, il n'y a pas de danger. Mais dans le fond, c'est rien ça. Puis on pourra pas savoir parce qu'une fois qu'on doit dévoiler les cartes, on va brasser toutes les cartes et là on les dévoile, fait qu'on sait pas qui a mis quoi. Mais on sait que, mettons, on voit un 7, ah ben là, toi, c'est toutes des grosses cartes, on sait que quelqu'un a mis un 7. Des choses pas bonnes. Donc dans le jeu, c'est ça, à notre tour, on pige une carte, on place la carte ou on exécute l'effet de la carte et ensuite de ça, on peut faire une action héroïque. Donc, mettons, moi, je suis... C'est le roi Arthur. Petit bonhomme gris avec une base rouge. Ouais. Roi Arthur, il peut aller... Mettons, je vais aller défier le chevalier noir. Fait que là, pour gagner, ben, on va devoir placer des cartes de combat sur les cases. Et une fois que j'ai complété la combinaison... c'est pas pire, hein? Je pige des 5 et des 4. C'est comme si c'était placé d'avant. Moi, mais. C'est pas le plateau. Mal été brassé, je pense. C'est ça. Le plateau a des cases qui te disent où mettre les cartes qui sont de la même couleur que les cartes. Fait que là, oui, je me demandais, y avait-tu des cartes ou c'était pas des cartes qui avaient des. Oui, plateaux. C'est ça. Non, c'est ça. C'est juste des emplacements. Ouais. Fait que là, mettons, j'ai ma combinaison ici. Ça me donne une totale de 16. Mais là, c'est sûr que pendant la partie, il va y avoir des cartes ajoutées au chevalier noir aussi. Fait que là, mettons, lui, il y en a une de 5 ici. Puis là, je sais pas si je vais en trouver une autre vite. Mais tu sais, peu importe, là, le principe c'est que si ma valeur de force est supérieure à celle du chevalier noir, j'ai gagné. Ouais. Quand on réussit une quête, on va gagner des épées, ici, des petites épées de carton qu'on va placer à la table ronde. La partie finie, littéralement une table ronde là. Eh ben oui, bien sûr. La partie finie quand la table ronde est remplie d'épées. Mm-hmm. S'il y a plus de noirs, les noirs c'est quand on échoue une quête. Donc s'il y a plus de noirs que de blanches, on perd. Mm-hmm. Si c'est égalité, on perd. Dans le jeu, les égalités, on les perd tous. On est honorable, on se contente pas d'une égalité. Donc s'il y a une égalité, on perd. S'il y a plus de blanches que de noirs, on gagne. Par contre, s'il y a un félon, il n'est pas été dévoilé. Il retourne des épées blanches du côté noir. Oh. Fait qu'une des actions qu'on peut faire, c'est d'accuser quelqu'un d'être le félon. Oui. Par contre, c'est la seule action qu'on fait dans le tour. Fait que si on se trompe, ben on gaspille notre action. Ouais. Puis on n'a pas nombre d'actions illimité. Parce qu'éventuellement, on va se dire, ben là, on veut pas piger des cartes, là, ça va être trop dévastateur. Ça pourrait nous faire perdre une quête là, ça pourrait nous faire perdre le Graal, etc. Fait que l'autre option qu'on a, c'est de placer des petits engins de siège autour de Kaamelott. C'est quoi? On dirait des lance-pierres? Des petites catapultes. Des catapultes. Okay. Ouais. Catapultes. Mais s'il y en a 12, il y a 12 emplacements. Si on met le 12e, on perd. Okay. Kaamelott est assiégé. On peut prendre une action pour aller les attaquer. Le problème d'attaquer les catapultes, c'est qu'on doit rouler un dé qui est de 1 à 8. Mm-hmm. Et avant de rouler le dé, on doit jouer des cartes de notre main. Fait que, mettons, je joue 4, 5, 6. Mettons, je joue 2 cartes, ça me donne 6. Là, je roule le dé. Ah, j'ai eu 6. Ben, j'ai perdu. Oui. Fait que je perds un point de bravo, qui est comme nos points de vie, et la catapulte reste là. Oui. Parce qu'il y a une égalité. Si j'avais eu 8, le dé représente toujours la force de la catapulte. Fait que j'ai perdu aussi. Mettons, je roule 2. Ah, ben cool, je l'ai battu. Mais là, mes deux cartes que j'ai jouées, je les ai perdues. Là. Fait que c'est toujours un peu risqué de gaspiller. Je pourrais jouer 9, mettons. Là. Dis, 2 cartes, 5 et 4. J'ai 9, c'est sûr, je la bats, la catapulte. T'as pas le choix, jouer parce 9. Qu'il y a juste 8. C'est exact, mais je viens de passer deux très très bonnes cartes pour plein de choses. Fait que c'est quand même pas trop facile. Fait que dans le fond, le but du félon, lui, c'est de faire perdre les autres. Ah ben oui, c'est sûr. Fait que lui, si les autres perdent, il gagne. Exact. Wow. Il est vraiment dans son équipe à lui tout seul. Et c'est les chevaliers de la table ronde. Ouais. C'est ça, le titre. Oui. Mm-hmm. Il est beau, comme le jeu, si je perds, tout le monde perd. Fait que ça, c'est un autre gros jeu. Il y a plein de détails que j'ai pas mentionné, là, des pouvoirs spéciaux. Chaque personnage a un pouvoir différent, puis on acquiert des objets supplémentaires qui nous donnent des capacités pendant la partie. Très intéressant. As-tu compris que Marc-Olivier a fait un gag de le jeu? Comme dans le jeu, c'est quand tu parles du jeu ou que tu penses au jeu, tu perds le jeu. C'est juste ça, le jeu. Ah, ben on va parler du The Game. The Game. Justement. Oui, parce que c'est un jeu coop, ça. Ah, oh, ben ouais. Ah, oui, il y en a un autre. Hein? Tu pensais pas. Tu pensais-tu à ça? Non, je parlais de l'autre The Game. C'est quoi l'autre The Game? Celui que si tu y penses, tu perds. C'est ça. Ok, c'est pas de ça que tu vas nous parler. Non, ben, c'est le jeu de cartes. C'est le même thème, ouais. Ah, c'est okay. Ça, mais je le connais. C'est pas le principe de si tu y penses, tu perds. Non, parce que vous n'aurez pas besoin de jouer. Ça joue un peu sur cette personnalité-là de. Il ferait pas grand cash s'il n'y avait pas de jeu à vendre, finalement, parce que tu fais juste y penser puis c'est correct. C'est juste la vraie, ouais, c'est The Game, c'est la date, you lost. 60 piastres. Donc, un autre jeu semi-coop que je vais parler brièvement, c'est Dead of Winter. Oh. Donc là, on est dans un univers zombie. Okay, hivernal, oui, mais zombie, comme si c'était pas assez. Mm-hmm. Non seulement il fait froid, mais il y a des zombies qui nous attaquent. Donc, on va chacun jouer un groupe de survivants dans une colonie. Et on va pouvoir aller se déplacer pour trouver des vivres, trouver des armes, trouver des livres pour apprendre différentes choses, trouver des outils. On construit des barricades pour se protéger des zombies, mais la particularité du jeu, c'est que c'est pas tant les zombies le problème. Le problème, c'est les autres. Ah. Parce que faut vivre avec. Et on a chacun des objectifs secrets. Et il peut y avoir un traître dans tout ça. Encore un traître. Fait que, mettons, un traître pourrait dire, moi, je déteste les autres, fait que je vais mettre le feu à la colonie. Ah, mais ça, on sait pas c'est qui dans le jeu, puis il y en a peut-être pas. Mais on a, mettons, moi, mon objectif secret, c'est de ramasser des armes. Mm-hmm. Fait que là, peux-tu me passer une arme, là? J'ai besoin de me défendre. Ah, je suis désolé, j'en ai pas, mais j'en ai trois dans ma main, parce que je veux pas les partager. Ou faut que je ramasse de la nourriture. Ah, mais là, on meurt de faim, tu pourrais t'as pas de nourriture dans tes mains. Mais non. Désolé. Mais non, c'est plate. Hein. Ouais, mais t'es allé au supermarché, t'as fouillé. Ah, mais j'ai rien trouvé. Il y avait rien. Il y avait juste des outils, ça sert pour lancer un dé, ça sert à rien. Fait que c'est ça, dans le jeu, c'est vraiment cette ambiance-là qu'on va avoir de pas truster les autres. Puis à chaque fois qu'on se déplace, on traverse l'hiver, faut rouler un dé de danger. Ça se peut qu'on se fasse mordre par un zombie puis on meurt sur le coup. Ça se peut qu'on se fasse blesser. Ça se peut qu'on pogne une engelure qui est comme une blessure qui continue de nous blesser. Fait qu'il y a vraiment plein de dangers. Nos personnages peuvent mourir assez facilement. Mais des fois, on peut avoir des rencontres, on en retrouve d'autres. Des fois, il y a vraiment un paquet de cartes comme événements spéciaux qui se déclenchent si on fait une certaine action. Par exemple, je suis dans une cabine, puis je me fais entourer de zombies, c'est pas mal la fin pour moi. Et soudainement, il y a un pompier qui arrive et qui vient me secourir. Wow. Fait que là, je vais pouvoir aller chercher dans le paquet personnages ce personnage-là et l'ajouter à mon groupe. Fait que là, c'est vraiment le fun. Des fois, on peut rencontrer, mettons, « Ah, vous croisez des enfants. Est-ce que vous les ramenez à la colonie? » Et là, le problème, c'est que, ah, ben, si on les ramène à la colonie, le moral va monter, tu sais. Puis ça, ben, si on a zéro moral, on perd. Mm-hmm. Ça, c'est bon. Okay. Mais mettons, si c'est trois bouches de plus à nourrir, puis on est déjà serré en bouffe, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Fait que ça va toujours être des situations un peu comme ça. Des fois assez moraux, troublantes, oui, ouais, oui, vraiment, là. Mais qui mettent dans l'ambiance après le jeu. Il y a quand même beaucoup d'actions qu'on peut faire, mais vraiment, vraiment intéressant. Moi, je suis vraiment pas fan de jeux de zombies. Puis celui-là, c'est un que j'aime vraiment jouer là, mm-hmm, parce que c'est l'ambiance qui est là et pas nécessairement le fait de tuer, ouais, des zombies à répétition. S'il y avait un jeu de Walking Dead, ce serait clairement un jeu comme ça. Mais ouais, mais il y en a des jeux de Walking Dead, mais ils sont pas faits différemment. Ils sont faits différemment, ouais, et lui, je trouve que c'est ce jeu-là qui a bien ciblé l'ambiance de Walking Dead, sans avoir la licence. Moi, ça, c'est encore meilleur que les vrais jeux sous licence. Ouais. Et puis, seulement pour ceux que ça intéresse, Chevalier de la Table Ronde est à 46,23 présentement sur Amazon. Okay. Et Dead of Winter, on pourrait le trouver à 67,99 sur Amazon. Okay, possible. Ça a du sens. Et si vous cherchez le terme anglais pour les chevaliers de la table ronde, c'est Shadows over Camelot. Ce qui n'est pas du tout le même titre. Non, mais pourtant, c'est une compagnie française, là, des Wonder. Ah, mais sûrement que Knights of the Round Table appartient à quelqu'un d'autre. Peut-être. Ouais, ou ça peut-être pas juste la même signification. Mm-hmm. C'est comme Les Aventuriers du Rail, c'est pas la même chose, ouais, en anglais. Non, c'est Ticket to Ride. Ticket to Ride, complètement différent. Ah, ouais. Ça, c'est cool. Ouais. Ça fait une toune rock des années. Ticket to Ride. Donc, il y a d'autres jeux. Là, ben, je vais juste parler de The Game là, parce que j'en avais beaucoup. Oui. The Game, fait que c'est un petit jeu de cartes où on doit jouer des cartes de chiffres en ordre croissant et décroissant selon les piles où on les joue. Mm-hmm. Puis ça s'appelle vraiment The Game. Mm-hmm. C'est un jeu simple, là, vraiment très facile d'accès à tout le monde. Mais à part le fait, là, sur la boîte, ça fait « Êtes-vous prêt à jouer au jeu? » Comme si c'était vraiment un gros enjeu. Là. Ouais, mais dans le fond, c'est juste de jouer des cartes avec des chiffres. Là. Fait que très tu simple, pourrais mais... mourir. Ouais. Mais c'est sympathique. Là. Mm-hmm. Ouais. J'ai déjà joué. C'est quand même un jeu qui est difficile à gagner. Oui, oui, oui. Sérieusement. Ben, jouer toutes les cartes. Là, pour avoir le jeu, pour ceux qui veulent se mettre une dague, il y a quatre piles. Mm-hmm. Deux piles ascendantes, deux piles descendantes. Les piles descendantes débutent à 99 et les piles ascendantes... à 100, puis l'autre, ça... débute à un, peu importe là. Et le but, c'est de jouer toutes les cartes. Donc, faut que tu trouves un moyen de jouer ton 2, 3, 4, 5. Mais dans tes mains, t'as pas nécessairement 2, 3, 4, 5. C'est ça. Et ton coéquipier non plus. Donc, c'est essayer de jouer tout le temps le plus proche possible de la carte qui est là. Mais des fois, ben, t'as 95 en descendant. Et l'autre, t'as 5. Puis dans tes mains, t'as 27. 33, ouais. 60, 70, puis 71. Ben là, t'as pas le choix de faire un gros bond, puis ouais, c'est ça qui fait mal. Tu pourrais te nuire toi-même, dans le fond. Hein. Ouais, ben, c'est ça, mais t'as pas le choix de jouer. Ouais. Ouais. C'est pas pire, ça. Okay. Donc, on prend une petite pause pour cette fin de première partie de chronique-là. On revient tantôt. De quoi est-ce qu'on va parler dans la deuxième partie? Mon top 5 de jeux dont j'ai pas parlé. Un top de ce qui rentre dans 15 heures. Ouais. On vient rester là. Assemblage Rocky en ce jeudi 26 avril 2018. Je m'appelle Mathieu Plante, Tania Baudin a congé aujourd'hui pour la remplacer. Nos deux collègues de Matière Noire, Frédéric Simon et Marc-Olivier Dumas. Allô! Allô! Ça va toujours bien? Oui! Merci oui, à tous oui, les gars. On survit. C'est cool, deux jours de suite en plus, du début à la toute fin de l'émission. J'apprécie votre présence. Ça fait extrêmement plaisir. Ben, merci de l'invitation. Ben, bof, là, ça que t'allais dire. Moi, hein? Wow, parce que là, moi, c'est correct. Ben, je voulais juste apporter une petite précision sur tantôt. J'ai dit, tu sais, Chevalier de la Table Ronde, je l'ai vu sur Amazon 46,23. Mais si vous le cherchez en magasin, par exemple, chez Renaud Bré, 89,99. Eh boy, hein, il y en a qui profitent du monde. monde, hein? Oh, excuse-moi. Donc, tu sais, si vous voulez le jeu, puis ça vous dérange pas nécessairement de l'avoir en anglais, Amazon, ça pourrait être une très bonne alternative. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on se donne un petit peu de temps pour s'arranger ou on est correct? Non, on est correct. Oh, ouais. Bon, ben, Caroline, il est encore là. C'est le même que tantôt. Vous allez le reconnaître. Allô? Il porte les mêmes vêtements parce qu'on est le même jour. Oui. Voici Mathieu Janvier et je go! T'as réussi ce coup-ci? Arrête donc! Prends du premier coup. C'est tout le temps parfait ce que je fais. Donc, je voulais. Voilà. Donc Mathieu Janvier, jeu à gogo, on était rendu à parler en fait de tes jeux préférés de tous les temps. Ouais, ben dans le fond ce que j'ai fait c'est parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'adore dont on a déjà parlé. Mm-hmm. Fait que là je voulais présenter des jeux différents. Je vais comme préparer un top 5 à 10 à peu près de jeux, comment j'appelais ça? Liste variée de titres que j'aime beaucoup et dont je veux parler. Ah, que c'est accrocheur comme titre. Ouais, hein, c'est vendeur. Ça là, fait un beau graphique là, à TV. C'est court là, qui prend toute une page. Là. C'est ça. Mais... est-ce que ça veut dire que tu vas commencer par la position la plus basse et essayer de te rendre jusqu'au numéro 1 puis skipper des affaires à la fin? Ça marche pas ça. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de la position plus basse et je vais en skipper en chemin pour aller parler de mon premier. Je n'ai pas parlé puis c'est vraiment mon préféré. Oh, fait que, ça va être fun, ça. Ouais, je vais essayer d'en parler un peu plus là. Ouais. Fait que je vais faire ça assez de façon rapide, un survol. Là. Ouais, okay. Mais c'est une vraie liste. Là. Je n'ai mis 10, ouais. Mais tu sais, mettons, on avait parlé d'Agricola. Agricola, c'est un de mes jeux préférés. Là, je n'ai comme pris un autre que j'aime beaucoup, substitut, mm-hmm. qui est comme semblable là, okay, à la place. Là. Donc, je vais pas donner de numéro parce que comme ça, vu que je saute des titres, puis mettons mon numéro 10, c'est la crème de la crème. Je le ferai pas là. Fait que ça va être, ouais, ça va être des titres dont je vais parler. Et à tes souhaits, Fred Simon. Merci beaucoup. Donc le premier, ça va être Dice Town, puis j'ai aussi choisi des jeux différents là. Ouais. Tu sais, j'aurais pas mis 10 jeux de ressources, même si c'est mon genre préféré. Ok, pour vrai, hein. Ouais. Ouais. Fait que j'ai mis des jeux un peu différents juste pour pas qu'on parle toujours de même genre d'affaires, parce que ça va pas être dans un long. On ramasse des ressources, on les échange pour des points. Il veut pas dire un top 10 Watch Mojo. On se donne des règles. Pas le choix. Vraiment, faut que ça soit intéressant, ça prend ça. C'est ça. Donc je commence avec Dice Town. Dice Town, c'est un jeu de dés. Mm-hmm. Mais avec plein d'affaires. Et de villes, je te gage. Oui, ben oui. Oui. Bien Dice Town, Dice Town. Ouais. Dice Town, la ville des dés. C'est l'ancien nom de Las Vegas, tu savais? La ville des dés? Ou Dice Town? Ah ben, je sais pas. Ok. Non, c'est faux. Ah, il m'a eu. Oh, donc, dans le jeu, on va chacun avoir un gobelet. Je vais pas brasser dedans parce que je pense que le bruit peut être assez. Ah, quoi que. Pas mal de vacances. Quoi que j'aimerais ça. Les micros magiques. Micros magiques. Yay! Donc, on va brasser nos dés. Hey, c'est pas une papier main que j'ai eu là. Hey, bravo, hein. On va voir si tu vas te battre. Faut que tu le battes. Nope. Non. Ah! Il sait même pas ce que deux ça veut paires. Dire. T'as deux paires, moi j'ai une main pleine. Mais okay. Dans le jeu, ce qui est le fun, c'est qu'on roule les dés, puis là on décide d'un dé qu'on veut garder. Ouais. On brasse les autres. Puis là, ben, on décide d'un dé qu'on veut garder, okay. On brasse les autres. Mais tout là, mettons. Juste un à la fois. Hein? Juste un à la fois. Okay. Par contre, ah, ben là j'ai eu deux reines. Ben j'aimerais peut-être garder les deux reines. Ben ça me coûte une pièce, un dollar. Pour chaque, puis on a des petits billets là comme ça. Oh, c'est cute. Ça me coûte une pièce, un dollar pour chaque carte que je veux garder au-delà. Pour chaque dé que je veux garder au-delà du premier. Ok. Donc je vais payer un dollar puis je le mets dans diligence ici. Ok. Puis on continue comme ça. Une fois que tout le monde a roulé, puis on peut, tu sais, quand on roule, on dévoile pas ce qu'on a choisi. Là, mettons, j'avais déjà mes deux valets, ben là je montre pas que j'ai choisi une reine. Quand tout le monde a choisi, là on le dévoile. Pourquoi on fait ça? C'est que une fois que toutes les dés vont être roulées, celui qui a le plus de 9 ramasse des pépites d'or à la mine d'or. Oh. Celui qui a le plus de 10 ramasse l'argent qui va être dans la banque. Mm-hmm. Fait que là, c'est utile pour les prochains tours. Celui qui a le plus de valets va pouvoir prendre des cartes General Store, que c'est des cartes soit avec des pouvoirs spéciaux ou avec des points. Mm-hmm. Celui qui a le plus de reines peut voler une carte à un autre joueur. Oh. Fait que ça sert à rien de ramasser toutes des bonnes cartes. Faut avoir des cartes ordinaires aussi, là, des points. Des 1 point, ça peut être pratique pour pas se faire voler nos gros points. Le shérif, le joueur qui a le plus de rois devient shérif. Le shérif, ça vaut 5 points à la fin de la partie, mais aussi s'il y a des égalités, c'est le shérif qui décide qui gagne. Puis celui qui a la meilleure main de poker, là, mettons j'avais une main pleine, ben je vais pouvoir prendre des cartes de points qui vont être ici. Si j'ai des as, j'en prends plus. Fait qu'aller chercher des as, c'est intéressant. Et là, c'est sur un grand plateau horizontal, à thématique western un peu, donc un saloon, la mairie, des trucs exact. Comme ça. Exact. Puis c'est beau, hein. Ce qui est-ce que ça se montre facilement? Je suis pas sûr que ça se montre facilement. Tiens. Est-ce que ça se montre? Il est vraiment long, c'est un. Ouais. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que, mettons, moi, mon jet était vraiment pas bon ou j'avais plus d'argent, ben, si j'ai rien eu, il va y avoir le Doc Badlock qui va nous donner des choses quand même. Okay. Mettons, je pourrais voler des pépites d'or à tous les autres joueurs ou je vole de l'argent à tous les autres joueurs. Donc, on peut réussir à se dépanner puis à nous débloquer pour les tours suivants. Donc, ça, c'était cool, ça. Dice Town. Dice Town. Ensuite de ça, je vais parler de Colosseum. Ça va être vraiment à quelques jeux, là, vu que je suis un petit peu serré. Là. Donc, dans Colosseum, vous parliez de Ben-Hur plus tôt tantôt. Ben-Hur, le film où les rumeurs voulaient que quelqu'un était mort en tant que cascadeur, mais que c'est faux. C'est faux? C'est faux. Hein? C'est faux. Ouais. Mais dans Colosseum, et on voit chacun... Ça, c'est une planche. Hein? Ça, c'est toujours la même compagnie, Days of Wonder, là, qui fait... J'avais table ronde. Oui. Donc, dans ce jeu-là, on va chacun avoir notre arène romaine. Là, j'ai pas les bonnes couleurs de pièces, mais c'est pas grave, là. Fait que, mettons, je commence ici. Donc, c'est deux demi-cercles qui viennent se coller ensemble. Ouais. Et on va ramasser des petits éléments de spectacle, comme des petits jetons comme ça. Ouais, donc, là, j'ai un gladiateur, je pourrais avoir des lions, des chevaux, des poètes, des bateaux, des pièces de décor, il y a toutes sortes de choses. Là, c'est tout pêle-mêle dans la boîte, c'est très bien rangé. Et on a chacun... On va avoir des programmes. Donc, le programme, ça va être une liste d'éléments qu'il faut ramasser. Dans le jeu, on va faire des enchères. On a parlé d'enchères? Oui. On va faire des enchères pour acquérir des pièces d'éléments, mais ça, ça coûte de l'argent. On peut aussi investir pour agrandir notre arène ou pour insérer une loge impériale ou construire des abonnements. C'est comme des sièges supplémentaires qui rapportent plus de spectateurs. Donc, on va essayer de ramasser le plus possible les éléments indiqués ici. Si je les ai tous, ça me donne, mettons, celui-là, Circus Maximus, ça me donne 32 points. S'il m'en manque un, ça me donne 28. S'il m'en manque deux, ça me donne 24. Donc, idéalement, on les a tous, mais on peut quand même faire le spectacle si on en a moins. Mais ces points-là, c'est des spectateurs qu'on va attirer. Donc, je vais avoir des spectateurs grâce à ça. Il y a aussi des pions. Si je les trouve... J'ai remarqué que les deux demi-cercles ont des trous à l'intérieur pour qu'on puisse voir au travers la tuile qui est en dessous. Oui, c'est qu'en fait, il y a des cases sur le plateau. Et il y a des personnages qui vont se déplacer. Il y a l'empereur, il y a les consuls, les sénats. Donc, à chaque tour, on va pouvoir rouler un dé et le faire avancer. Donc, mettons, lui, il commence ici. S'il avance dans mon arène, ben, ça me donne des spectateurs de plus. Okay. Mais le tour suivant, c'est sûr que quelqu'un va le faire avancer vers son arène. Fait que c'est rare qu'il reste plus qu'une fois dans notre spectacle. Faudrait que tu sois chanceux et qu'il y ait un qui se tourne quand... Oui, ouais. Ou quand on construit la loge impériale, on peut rouler 2 dés. Fait qu'on peut avancer les bonhommes beaucoup plus rapidement. Parce que chaque rond prend l'espace de 2 cases. Mais si je l'agrandis, ben là, ça se peut qu'on peut l'agrandir 2 fois. Okay. Fait que j'ai plus de chances d'avoir un personnage. C'est ça, il y a plein de choses qu'on peut essayer de faire. C'est bien pensé. Et là, on va calculer les points de notre spectacle, si on a des bonus, les personnages, tout ça. Et le total, ça va être nos points. Donc, mettons, j'ai 35 spectateurs. Bon, ben, je vais marquer mon pointage à 35. Ça me donne aussi 35 pièces. Ça va être mon argent à dépenser pour les tours futurs. Là, après, le tour suivant, il y a 5 tours. Le tour suivant, je fais un spectacle. Ah, ben lui, il me donne 36 spectateurs. Mais je fais juste monter de 1, je marque pas 36 points de plus. Okay. À la fin de la partie, c'est celui qui va avoir fait le meilleur spectacle n'importe quand. C'est pas une accumulation, fait que c'est ça que je trouve intéressant. Ça se peut qu'au quatrième tour, il y a plein de... Y a l'empereur, le sénateur, le consul sont tous rendus chez nous. Le roi, la femme et son petit frère. Puis au dernier tour, finalement, ben là, il n'y a plus personne, puis mon spectacle est poche, fait que je fais pas beaucoup de points. Mais c'est pas grave, parce que mon score du quatrième tour était peut-être excellent, et c'est ça qui va me faire gagner. J'ai joué plein de fois que c'est pas le dernier tour qui comptait, là, c'était le tour précédent. Puis je vois, il y a plusieurs éléments sur le plateau, tu sais, comme un 5, 4... C'est pour le nombre de joueurs. Fait que si on est 5, on se place ici. OK. Si on est 4, ben là, il essaie de distancer les arènes pour qu'on soit... Parce qu'en même temps... OK, ouais, c'est ça, 5 ici. Si on était 3, on partirait ici. Ouais, un là, mais ici, il n'y aurait personne. Ici, puis le troisième ici. Ouais. Parce que c'est pas un plateau modulable comme dans certains autres jeux qui s'adapte non, au nombre ça. De gens. Okay. Non, mais tu sais, j'ai joué à 4, à 5, à 3, je pense que je n'ai pas joué, puis ça marchait très bien. Ah oui, OK. C'est quoi le nom celui-là? C'est Colosseum. Colosseum. Je l'ai pas mentionné, là, je m'excuse. Comment tu l'as dit, ça fait juste longtemps que je... Ma mémoire est vraiment pas bonne. Je suis le pire. On va sortir un autre gros jeu. Et bah, OK, là, ça, c'est la plus grosse boîte que j'ai vue. Scythe. Scythe. S-Y-T-H-E. S-C-Y-T-H-E. Un beau mot en bon français. Facile à prononcer pour tout le monde, hein? Donc, dans Scythe, il y a un gros plateau qui représente comme un pays rural un peu. Là. Je ne sortirai pas. Là. C'est en dessous de tout ça. Il y a beaucoup de... La table n'est pas si grande que ça. Mais ce que je vais montrer plutôt, c'est les figurines. Oui. Donc, dans ce jeu-là, c'est une histoire alternative. On est comme après la Première Guerre mondiale, je pense. Qu'est-ce qui se serait passé si autre chose avec Ouais, ben là, c'est ça, les pouvoirs des nations, là, j'ai pas lu beaucoup sur le sujet, mais les pouvoirs des nations sont... C'est comme, tu sais, l'union russe-viétique au lieu de soviétique. Il y a différents peuples, là, puis avec l'extension, il y a aussi une espèce de clan japonais qui arrive, un clan irlandais qui arrive. Donc, dans le jeu, on va chacun avoir un plateau avec des actions. Comme ça. Et quand je place mon pion sur une action, je peux pas la faire le tour suivant. Je suis obligé de placer mon pion sur une autre action. À chaque tour, donc, je vais faire des choses différentes. On a aussi notre fiche avec notre clan. Chaque clan a une capacité de départ différente. Mm-hmm. Mais on va pouvoir construire nos mechs. Donc, c'est ça, la technologie qui a été développée, c'est des robots mécanisés géants. Là. Wow. Donc, c'est ça, les petites figurines. Et quand j'en construis un, ben, ça me donne une compétence supplémentaire. Donc, au mesure que la partie avance, on va avoir de plus en plus de choses. Une autre chose qui est fun, on a chacun un personnage qui va pouvoir se promener sur le plateau et faire des rencontres. Donc, les rencontres, ça va être une carte qu'on va piéger. Mettons, ah, ben, dans la campagne, oui, merci. Tu trouves un mec comme en désuétude. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu peux, mettons, payer du métal pour le réparer et le ramener chez vous. Fait que là, tu gagnes immédiatement un mec. Ou tu pourrais le laisser là, mais tu le fouilles puis tu trouves de la nourriture. Ou tu croises quelqu'un puis tu lui donnes. Tu sais, il y a comme plein de choix, mais à chaque fois, ça va influencer soit nos richesses, soit notre réputation. Mm-hmm. Dans le jeu, la réputation, c'est un peu notre niveau de combien de points qu'on va faire. Fait que plus qu'on est réputé, plus que ce qu'on fait va nous donner des points. Par contre, ça prend de l'effort pour monter notre réputation. Et si on fait de la guerre, quand on attaque quelqu'un, ben notre réputation descend, les villageois aiment pas se faire attaquer. Mais ce qui est pas pire du jeu aussi, c'est qu'il y a des combats, mais pas tous les tours, là. C'est comme, tu sais, c'est vraiment un jeu de gestion de ressources. Mais là, des fois, cette case-là, moi, je la voulais vraiment, puis l'adversaire aussi. Fait que là, on va se battre pour le contrôle d'un point précis, mais pas nécessairement pour aller attaquer l'adversaire, ça sert à rien. Tu sais, c'est pas juste un war game à la risque où tu fais juste te battre. Il y a vraiment une stratégie derrière où tu dois réfléchir à comment prendre contrôle de plus de ressources possible. Oui, exact. Essayer le plus possible d'être pacifique, mais d'en venir aux armes si nécessaire. Ben, le jeu ne décourage pas non plus l'attaque. Il y a des objectifs qu'on essaie de réaliser. Un de ces objectifs-là, c'est de gagner deux combats. OK. Fait que si je gagne un combat, je complète un objectif. Donc, faut en faire, mais en faire à tous les tours, c'est pas vraiment intéressant. Mais il n'y a pas de conséquences graves à le faire. Mais c'est sûr qu'on perd des ressources, là. Mm-hmm. Mais on perd pas nos troupes. Là. Quand les troupes sont en jeu, ils font juste repartir à notre point de départ. Mais une fois qu'on les a recrutés, mis en jeu, on perd plus rien. Okay. Fait qu'on se développe tout au long de la partie, on grossit de plus en plus. Ça, c'est Scythe. Scythe. S-C-Y-T-H-E. Est-ce que c'est toi qui les mets dans des petits sacs ou ça vient avec des petits sacs? La plupart du temps, ça vient pas avec des petits sacs. Non, c'est ce que je me demandais. J'ai ma réserve de sacs Ziploc achetés au Dollarama et je pack tout ça comme ça. C'est une bonne idée parce que sinon, quand tu arrives avec ta boîte puis que tu t'en vas chez quelqu'un puis les morceaux sont tous mélangés ensemble parce qu'ils ont pas pensé à faire des séparateurs qui vont tenir jusqu'au couvercle. T'sais, moi, ça m'énerve dans les jeux. Je trouve ça dommage. Ouais, non, c'est ça. Les sacs, c'est notre meilleur ami. Là. Et voilà. Mais il y a certains jeux que, ben, tu sais, t'as peut-être remarqué, là, j'ai mis des petites boîtes de plastique là, pour certains cas. Là. Ah, c'est des. Ben oui, des petites boîtes. Des boîtes de plastique que j'achète au Dollarama. De plastique rigide, là. Pour des clous. C'est ça. Ben, ça marche très bien pour les jeux. Il y a différents formats. Fait que, dépendamment de ce que j'ai à mettre dedans, j'en prends. Ben, il faut que ça rentre en boîte aussi. Donc, pour ce prochain jeu qui est Le Havre. Juste avant qu'on continue, je vais quand même dire les prix pour ceux que ça intéresse. Ah oui, c'est tellement fin. Hein. Ben oui. Scythe, justement, sur Amazon est à 80$. Je le trouve pas sur le site de Renaud Bré. Colisseum est à 85-65$ canadiens. Aussi sur Amazon, un autre jeu que j'ai pas trouvé directement sur le site de Renaud Bré. Mais probablement que ce jeu-là, ben, chez Frimousse, vous devez les avoir. Colosseum, la version que j'ai amenée, c'est une vieille version que j'ai pas revue. La nouvelle version, je sais pas quand elle va sortir. Scythe, oui, je pense qu'il y est ça, par exemple. Ouais, c'est ça. Quelque chose de même. Sur un internet website. Donc, je vais parler encore de deux jeux, Le Havre et après mon jeu préféré. Tu gardes le meilleur pour la fin. Ah, ben oui. Donc, Le Havre, c'est comme un autre jeu dans la lignée de Agricola. C'est le même auteur, même maison d'édition. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Dans Le Havre, on va avoir plein de ressources. Donc, les ressources vont être des petits jetons comme ça. Des petits jetons de carton. Ouais, toujours du carton. Ouais, toujours, oui. Mais les jetons, la particularité, c'est qu'ils ont deux côtés différents. Donc là, ici, j'ai du grain. Mm-hmm. De l'autre côté, c'est du pain. Et chaque jeton va être comme ça. Mettons, j'ai du bétail. Ouais. Et de l'autre côté, c'est de la viande. Oh. Ça va toujours être une dérive d'évolution. Exact. Okay. Mettons, il y a des pots et il y a du cuir. Ouais. Donc, dans le jeu, on va avoir différentes actions qu'on peut faire. Il y a comme un plateau là, sur lequel on ramasse des ressources. Mais il va y avoir des bâtiments. Donc, par exemple, ici, j'ai la briqueterie. La briqueterie me permet, ben c'est pas un très bon exemple, là, mais mettons la comment ça s'appelle, la pêcherie. Là. Si j'y vais sur ce bâtiment-là, je peux ramasser du poisson. Après, il y a un autre bâtiment, c'est le fumoir. Donc le fumoir me permet d'utiliser mon poisson, de le transformer en poisson fumé. Ben oui. Voilà. Pas de fish and chips là-dedans, malheureusement. Il y a peut-être un bâtiment spécial. Il y a comme des bâtiments uniques là, qu'on peut avoir. Donc, la pêcherie, j'y vais, ça me donne 3 poissons. Puis ici, j'ai des petits symboles de pêcheurs, ça m'en donne plus. Le fumoir, ben j'y vais. Je dois dépenser 1 d'énergie. 1 d'énergie, ben ça peut être un bois. OK. Ça peut être du charbon. Faut que je dépense d'énergie pour fumer mon poisson. Et là, je peux transformer jusqu'à 6 poissons, 6 petits jetons. Je les mets du côté poisson fumé, puis ça me donne de l'argent aussi. Là, dans le jeu, si, mettons, moi, je paye les ressources, comme là, c'est 2 bois et 1 argile, je peux construire le fumoir, je le mets devant moi. Si un joueur veut utiliser ce bâtiment-là, ben là, à ce moment-là, il doit payer 2 nourritures ou 1 pièce. Il doit me payer ça à moi pour pouvoir y accéder. S'il n'y a pas ces ressources-là, il ne peut pas me payer, ben il ne peut pas y aller. Il faut faire d'autres choses. Tout bas. Mais c'est pas si pire parce que dans le jeu, toutes les actions qu'on peut faire sont bonnes. C'est rare qu'il y ait une action, tu sais, il y a un tour où on va rien de bon à faire. Il y a toujours de quoi de bon à faire. Et juste plus ou moins bon. Puis ouais, des fois c'est pour ce qu'on souhaitait faire, mais il y a toujours. Peux-tu juste avoir un fumoir dans le jeu ou peut-on en avoir plusieurs? Non, il y en a juste un. Okay, il y a juste un bâtiment qui est en double, c'est le quai, qui permet de construire des bateaux qui sont assez essentiels. Okay. Mais non, il y a effectivement juste une copie de chaque bâtiment. Fait que la stratégie des fois c'est ça, c'est d'essayer d'avoir un bâtiment le plus rapidement possible pour aller chercher de l'argent. Des autres joueurs, oui. Mais il y a aussi des bâtiments qui sont très utiles. Qui rapporte tu sais, on peut faire beaucoup d'argent juste en allant dans un bâtiment, c'est pas grave si c'est un autre joueur qui l'a, mais les bâtiments rapportent quand même de l'argent, il y en a qui sont très payants en points. C'est tout de gérer ça, puis de voir, mais il y a tout un système qui est intéressant de ressources. OK, bon, là, si je, mettons, je ramasse du bétail, après, je vais à l'abattoir, ben, je vais transformer mon bétail en viande, mais ça me donne aussi des pots. Puis, fait que là, je peux utiliser après mes pots pour les transformer en cuir, puis ça me donne de l'argent. Mais mon cuir, je peux aussi le revendre pour faire encore plus d'argent. Fait que, tu sais, il y a tout un système là que la première mission. C'est pas presque, mauvais de payer, mais ça te donne un certain avantage d'avoir les bâtiments, mais c'est pas mauvais en soi de payer. Non, pour, surtout si on est bien équipé en ressources, on peut faire vraiment beaucoup d'argent puis obtenir plein de choses. C'est un jeu de ressources, tes préférés. Ouais. Disponible sur Amazon à 78,43. Quand même un dispendieux jeu, mais c'est ça. Ouais, mais il est un peu plus vieux celui-là, là. Puis. Ah, ok, oui. C'est peut-être édition pas de collectionneur, mais tu sais, vu qu'il est plus peut-être produit en ce moment, qu'il il coûte plus cher. Un peu moins. Ouais. Et mon jeu préféré. Bon. J'y ai pensé, puis je me suis rendu compte, je savais pas que c'était mon jeu préféré. Non. Je me suis jamais. Poser la question là, de faire vraiment un top 5. C'est difficile de faire ça. Mais ça reste assez flou, mais je pense que c'est quand même lui mon jeu préféré. Inspiré du jeu vidéo Sid Meier's Civilization The Board Game. Donc, c'est vraiment. Il y a une nouvelle version qui est sortie, mais qui est un jeu beaucoup plus rapide et simple. Moi, j'aime lui qui a tout. Ben oui. C'est ça. C'est sûr, là-dedans, j'ai aussi 2 extensions. Fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de. Ok, t'as amené les extensions de tout ben, ça. Ben, j'ai amené la boîte parce que je mets les peuples à part. Parce que les boîtes, souvent, c'est serré aussi. Hein. Ouais, ben là, quand tu rajoutes le matériel de 2 extensions, ça rentre plus. Donc, le jeu va être. Le plateau va être composé de. On parlait de plateau modulaire. Oui, ça va être des petites plaquettes comme ça. Selon le nombre de joueurs, ils vont en avoir plus ou moins. Et chaque civilisation a aussi un plateau de départ. Okay. Tu sais, mettons, j'ai l'Espagne, ben ça va être comme on dirait une péninsule ibérique. Là. Fait que ça fit avec notre peuple, comme là, t'as pris. Je sais pas. Sur des numéros ou quelque chose dessus, c'est des quoi, là, mais. Moi, je sais plus c'est qui, là. Faudrait que je check là-dedans. Mais, mettons, on va chacun choisir un peuple, puis là, il y en a comme une vingtaine avec les extensions. Mettons, j'ai les Indiens. Ben, ça va me donner des compétences spéciales. Sur le plateau, on a comme deux petites roulettes. Si je pense, j'ai les Romains. Ouais, c'est ça. Ah oui. Il y en a plein. Il y en a qu'on reconnaît plus que l'autre visuellement, peut-être. Oui, oui. Ben, des fois, ça, c'est évident. Là. Donc, ici, j'ai ma petite roulette. Sur cette roulette-là, il va y avoir deux, comme. Deux ressources différentes. Et c'est vraiment des roulettes là, en 3 dimensions. Tu vraiment les faire tourner. Oui, ça se tourne. Okay. Donc, j'ai le trade. Là, mon jeu est en anglais. Là. C'est comme la valeur de commerce. C'est un peu comme notre monnaie. Là. Mais il y a aussi d'autres pièces là, dans le jeu. Là. Fait que c'est vraiment comme une ressource. Là. Ouais. que ça va monter à chaque tour, mais c'est aussi avec ça que je vais pouvoir rechercher des technologies ou augmenter ma production dans le jeu pour construire des choses. Il y a aussi une autre roulette avec les pièces. Donc, quand je fais des actions, certaines actions dans le jeu, je vais gagner des pièces. Mm-hmm. Dans le jeu, on peut gagner de quatre façons, comme dans le jeu vidéo. On peut gagner de façon militaire si on attaque une capitale ennemie puis on gagne le combat. On peut gagner de façon technologique si on recherche le vol dans l'espace, mais on commence avec une technologie bien de base. On peut gagner de façon économique si notre total de pièces arrive à 15. Ok, 15 juste. Ouais. Ben, c'est assez dur de monter, là. Apparemment que ça se fait, là, mais moi, j'ai jamais vu une victoire économique. Et on peut aussi gagner de façon culturelle. Il y a un plateau avec une petite échelle culturelle qu'on paye de la culture à chaque tour, si on en ramasse, pour pouvoir avancer. Donc, quatre façons de gagner. Dans le jeu, on a des petits pions qui représentent nos armées, mais on n'a pas des unités pour chaque armée. Ça va être des cartes qui représentent l'infanterie, qui représentent des tanks, mais évidemment, on commence avec des piquiers, puis des cavaliers, puis après, on évolue en chevalier, mm-hmm. puis après, en avion, tu sais. Il y a vraiment une progression dans l'histoire. On peut construire des merveilles. On peut vraiment faire plein de choses. On explore la map, parce que les tuiles vont être cachées au début. Ben là, pas... Mettons, elle va être comme ça, fait que quand je m'approche, ben là, je peux explorer. Mm-hmm. Il va y avoir des huttes, des villages que je peux aller chercher des ressources, attaquer les barbares, puis gagner des ressources en les attaquant. On peut découvrir des technologies. Je vais juste parler des technologies parce que c'est un aspect vraiment intéressant du jeu que j'aime beaucoup. Dans le jeu, dans beaucoup de jeux Civilization, on a toujours un tech tree, un arbre de technologies. Ah, d'accord. Donc, le principe, c'est qu'on commence avec quelques technologies qui débloquent, mettons, deux autres, et là, après, c'est là, on débloque deux, et ça se ramifie, vraiment comme un arbre. Dans celui-là, le système... intelligent parce qu'ils ont fait une pyramide de technologie. Oh! Donc, on commence avec une technologie bien ordinaire. Là. Mettons, j'ai le animal husbandry, l'élevage des animaux. Ouais. Je commence avec ça, mettons. Et là, je voudrais en avoir une plus puissante. Mais je peux pas parce que faut que je construise comme un palier en dessous. Donc, mettons, je recherche l'écriture. Et là, ben, une fois que j'ai deux niveaux 1, là, je peux mettre à la façon de briques. Mysticisme, mettons. Et là, ça, c'est une niveau 2, elle va être plus intéressante, ouais. plus puissante, mais ça me prenait deux niveaux 1. Si je mets une niveau 3, ben ça va me prendre une autre niveau 1 pour mettre, mettons, je prends... Non, niveau 1 pour mettre une deuxième niveau 2 pour pouvoir mettre ta niveau 2. Pour littéralement exactement. Faire une pyramide. Exactement. Soit... Okay. Donc, wow. on peut faire vraiment une grosse pyramide. Ouais. Mais... Je trouve ça drôle que le mysticisme soit de niveau 2 alors que dans le jeu, c'est une des premières technologies que tu ouais, peux... Ouais, ben tu sais, ils sont allés avec la puissance... la puissance... Hey, j'ai joué beaucoup. Là. Et tant qu'à t'inspirer Civilisation, c'est sûr que aussi bien utiliser les règles du jeu. Mais... Oui, c'est ça. Tout le lore. Puis par rapport au jeu, niveau complexité... Parce qu'on sait que c'est quand même... C'est très complexe. On s'entend que les jeux vidéo... pour vraiment bien contrôler l'ensemble du jeu, c'est assez complexe. Le jeu est très complexe quand même. Dans les jeux, c'est un des plus compliqués que je connais. Là. Okay. Parce que chaque technologie a des compétences spécifiques. Il y a des cartes événements qu'on pige, qu'on peut activer. Il y a des merveilles qu'on peut acheter. Chaque bâtiment a des effets différents. Fait que là, faut tout, t'sais, les options sont vraiment infinies. Enfin, au début, on est débordé. Mais puis c'est un jeu très long là, t'sais. Même à deux, c'était deux, trois heures, okay. Mais c'est vraiment le fun là. Mais à quatre, c'est 4-5 heures exponentiellement. Puis je pense que ça peut être plus long pour certains joueurs. Quand on connaît bien le jeu, on est habitué, c'est sûr, c'est plus rapide, mais pour connaître bien le jeu, faut y jouer beaucoup, t'sais. Puis vu que c'est long, ben on y joue pas nécessairement. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de connaître le jeu vidéo avant, ou est-ce que tu peux commencer directement par ça? On n'a pas besoin de connaître le jeu vidéo parce que j'y ai joué avant de connaître le jeu vidéo. Par contre, connaître d'autres jeux de société pour être familier avec certains fonctionnements, ça va être nécessaire. On aime Monopoly, on va jouer à Civilization. Tu vas rusher. Ou d'avoir écouté toutes les chroniques de jeux à gogo sur YouTube. Exact, les mécanismes ça peut aider. C'est ça. Donc, c'est Civilization de Sid Meier's. Donc, on pourrait dire que c'est ton Sid Meier jeu. Mon meilleur jeu, oui. Get out. il peut pas, lui. Je peux pas. On n'a pas le choix de le garder. Ça marchera pas, Bob Boss, je suis pas là. Et pour ceux qui s'intéresseraient, on le retrouve à 99,99 sur Amazon. Ok, ouais, mais lui, c'est un jeu. Mais, tu sais, un plus gros. Si vous l'avez l'ai vu, c'est un jeu qui semble assez costaud, beaucoup de matériel. Mm-hmm. Et ça, c'est sans les expansions comme Wisdom and Warfare qui est ajouté de ton côté. Wisdom and Warfare, il y a aussi, c'est Fame and Fortune, okay, qui rajoute des civilisations, des nouvelles règles, plein d'affaires. Et ça dit comme slogan Civilization, le jeu de la culture, de la politique et de la guerre pour 3 à 4 joueurs. Exact. C'est super, c'était ton préféré celui-là. Eh oui. C'est bien. Ah, je suis content d'avoir parlé. Ben oui, mais on est content d'avoir reçu aussi pendant ces dernières semaines-là. Dommage qu'on soit pris aussi tard, hein. Ça a été le fun de faire des années de ça. On va voir. On va voir d'autres choses. Qu'est-ce que le futur nous réserve? Faut pas se fermer de porte. On se reverra un jour. Mathieu Janvier et sa chronique Jeux à gogo, deux fois plutôt qu'une aujourd'hui. Les chroniques sont disponibles sur YouTube en version visuelle, un petit peu pour ceux qui veulent vraiment voir les morceaux, là. On essaie de faire ça juste pour vous. Et on te laisse faire tes sacs pendant que nous, on transitionne à autre chose. Merci encore, Mathieu. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci, Marc-Olivier, d'aider. Il est-tu fin, pareil? Hein? C'est un vrai serviette. Je me suis mis dans le coin, fait que... Tu peux pas. Je peux pas. Non, mais tu regardes. Mais je regarde. C'est ça. T'encourages. Hey, au récré. dans quelques instants, on va continuer l'émission. En fait, on va la finir avec une troisième heure très spéciale. Vous avez vu, aujourd'hui, on a fait une heure de Le Vrai Le Faux. On a fait une heure de Jeux à gogo. On va faire une heure d'une grosse pointe tendresse. Hop, hop, hop, hop. C'est vrai. C'est vrai, ou ça c'est vrai, un point de plus, fait que tu gagnes, non c'est pas vrai. C'est Fred, c'est Fred qui gagne, c'est Fred, le gagnant oui. ultime. Je garde ma victoire. C'est ça. Pause, une grosse pointe d'adresse au retour, à ça. le Rogue avec Gloss à Assemblage Rocket. Toujours avec Marc-Olivier Dumas. Allô! Allô, et Frédéric Simon. Bon matin! Mais maintenant, on a des invités spéciaux. Pourquoi? Pour une grosse pointe d'Aldresse! Une grosse pointe d'Aldresse! Moi, indépendant. Les deux. Fais la fin. Je me souviens de la fois qu'on l'avait fait ton chaque fois. Chanter? Non, non, on changeait le mot. Nous-mêmes, volontairement. C'est une grosse pointe d'Aldresse, mais oui, aussi pinte, parce qu'on va déguster des affaires alcoolisées probablement là-dedans quelque part. Et on a beaucoup de produits aujourd'hui. Et comme invités spéciaux, est-ce qu'il y en a qui c'est veulent... faux, c'est faux. Est-ce qu'il y en a qui veulent pas participer? C'est faux. Qui veulent participer? Parce qu'on a, entre autres, Caroline Rouillard. Salut, Caroline. Bon matin. Bonjour à toi. Celle qui est pas dans l'équipe officiellement de Mathieu Plante sur Facebook, donc que j'oublie d'inviter quand on fait une grosse pointe d'Aldresse. Fait que là, c'est la dernière fois que je peux t'inviter, fait que je t'ai invité. Mais c'est ça, bon, ça fait plaisir d'être là quand je peux être là. Très content quand que tu sois là. Quand je suis invité aussi. Oui, c'est ça, quand t'es invité. On va pas se présenter de même, hein? Quand même pas. Et Polly, et Polly. On a aussi Martin Lambert qui brasse de la grosse business derrière les micros ce matin. Salut Martin. Good morning everyone. Oh, mais il articule bien. You have a very good English. Vraiment, vraiment. He's very fluent. Thank you, thank you. Donc Martin Lambert qui a apporté quelque chose à boire et à manger. En tout cas, c'est ce que je vois sur notre petite table accessoire à ma droite ici. C'est ça, Martin? Plus à manger, mais probablement que quand vous en aurez pris une bouchée, ça va nécessiter un boire. Ah, OK, donc on est mieux de commencer par quelque chose. On est mieux de commencer par quelque chose qui se mange, c'est ce que tu es en train de me dire. Oui, ben en fait, vous pouvez commencer par le liquide, mais c'est clair que ça va finir par le liquide, ou à tout le moins, il va y avoir un ajout de liquide. OK, je vais regarder ce que j'ai dans mon sac, parce que j'ai quand même pas mal de trucs aussi, mais je pense que la première affaire qu'on devrait utiliser pour commencer, c'est de s'inspirer du temps en ce moment. Si vous savez, dans la fin de semaine qui vient de se terminer, c'était la dernière fin de semaine pour aller à la cabane à sucre. Ah! Est-ce que tu savais ça? Tu savais pas non. ça, Frédéric? Tu savais pas non. ça? Ben moi je le savais parce que ils me l'ont dit à la cabane à sucre. C'est ça, ben nous autres aussi, on est allés à la même cabane à sucre parce que étrangement, on a croisé Martin Lambert, moi et ma famille, à cette cabane à sucre-là. J'ai reconnu la famille. C'est ça. Moi, j'étais pas sûr parce qu'il portait des lunettes de soleil, tu sais. Je me disais, c'est vraiment... Ben, il me semble qu'il ressemble à Martin Lambert. Incognito. Pas rasé, pas maquillé. C'est ça. Ses jambes étaient pas épilées. Il y a une grosse différence aussi. Fin de semaine dernière, il y avait plein de neige, puis en fin de semaine, il n'y aura pas de neige. C'est ça. Ben, ça va faire changement. Je pense que c'est le fun. Hein? C'est bon pour les pêcheurs. C'est ça, c'est ça. Donc, je me suis dit... Ben, le homard s'en vient. Le quoi? Le homard. OK, je peux, ouais. C'est pas Game of Thrones, le homard s'en vient. Non, non. Les morts s'en viennent, mais le homard s'en vient. J'ai apporté des petits ice packs, ils sont encore solides. Hein? Donc ça devrait être froid parce que l'idée c'est que ce soit bien réfrigéré, je crois, ces affaires-là, parce que sinon ça devient mou un petit peu. Mathieu, hein? As-tu rapporté des choses à cabane à sucre? Ben voyons donc, en fait j'ai eu de l'aide de Martin Lambert parce que Martin Lambert est un gars qui sait comment s'y prendre pour faire des affaires qu'il est pas supposé faire. C'est pas tout ça? Voilà, là, ben là. Ça, notre million d'auditeurs qui entendent ça vont avoir plein d'images là, la de... cabane à sucre, mettons. Ah que oui, ok. Tu prends un petit bâton de tir à la neige. Pis là, oups, soudainement, t'as trouvé un petit plat pour en mettre dedans, pour en apporter, pour qu'on puisse y goûter. Oui. Non, mais là, c'est pas de ma faute s'ils font pas de récupération. C'est ça. Il y avait des typos. Mais il était heureux, le cabaniste, de nous fournir le petit plat et le petit bâton. Le cabanon, oui, le cabaneux. Ben, la cabane à sucre. Les gens, c'est des cabanistes. Le cabaneux. Le cabernet Sauvignon. Je sais pas trop quoi. Donc oui, c'est froid, c'est même que ça... Il y a pas de neige dessus, mais quand même. T'as-tu le petit bâton qui vient avec? Ben non, j'ai des cuillères. Parce que Martin Lambert a apporté des cuillères. Moi, j'ai apporté des petites fourchettes. Fait que je sais pas lesquelles qu'on devrait utiliser parce que peut-être que c'est important d'avoir des cuillères pour plus tard. Mais moi, j'avais des ustensiles. Tout se mélange, le salé, le sucré, c'est bon. Tout se mélange. Fait que c'est bon. J'ai des restants de fourchettes qu'on avait à un moment donné. Fait que je sais pas si c'est. Ben, ça a l'air d'être propre. Fait que je vous donne ça. Rien à se créer, tout se mélange. Et j'ai les petits pots de tir sur la neige. Qui sont bien emballés dans du Ziploc, fait que ça peut pas faire de dégâts. Et j'ai amené aussi, tant qu'à se gâter, j'ai amené un petit pot de beurre d'érable de cette cabane à sucre-là. Un petit pot de beurre. Ça a l'air excellent. Du beurre. Caroline Rouillard, si tu peux t'approcher, j'entends, il me semble, toi, que la dernière fois quand t'étais venue à l'émission, tu nous avais apporté quelque chose d'érable aussi. Est-ce que c'est dans ta famille qu'il y a de l'érable? Oui, mais mes parents sont propriétaires d'une érablière qui s'appelle Cassia, les fonds de la transformation. Leur sirop d'érable a déjà gagné des prix et moi, je suis très, très, très difficile sur les produits d'érable à cause de ça, donc j'ai bien hâte. Fait qu'on va te laisser goûter en premier. C'est ça. Parce qu'on veut savoir si c'est du même calibre que ta famille. C'est ça qu'on veut savoir. Parce que nous, en tout cas, notre famille, on a vraiment adoré le goût de cette cabane à sucre-là. J'imagine qu'il y avait un nom. Non, ils ont juste pris des pots génériques. Hein. Mais moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que le sirop d'érable, ça goûte pas mal pareil tout le c'est temps. C'est ça l'affaire. Pas c'est... du tout. Il y a une panoplie de goûts différents. Mais il y a des, ça dépend des arbres. Du bon sirop, du mauvais sirop. Ça dépend des arbres, ça dépend du sol, ça dépend du moment de la saison parce que les sucres se transforment tout au long de la saison. Ça dépend de la façon dont on le transforme. Mm-hmm. J'ai un peu le rhume. Je vous garantis pas que mon le goût, goût va est être très, très développé. Ouais. Je vais quand est-ce même que, parce que la, le goût de pas de... Est-ce qu'elle goûte pas de sucre? Par colivier! Ça passe pas sur... Ça passe pas. T'as rien vu? Okay. En tout cas, les auditeurs ont rien c'est vu. C'est ça. Je voulais te demander. Ma famille, les enfants, les nièces, etc. demandaient, mais Colin, il y a plein d'insectes et de cossins dans les seaux. Le processus de filtration, filtrage, doit être important aussi dans le goût. Parce que si t'as des petites pattes de mouche... Ça goûte différent. Mais c'est sûr que c'est filtré là, par la suite, mais c'est vrai que le temps que l'eau reste à la chaleur, ça va avoir une influence sur la façon dont les sucres vont se transformer. Après ça, ben, tout passe au séparateur où on enlève un peu d'eau parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de sucre. Là. Je me rappelle plus les proportions, mais je pense que c'est comme 40 litres d'eau pour donner un litre de sirop d'érable quand même. Donc, il y a vraiment tout un processus de filtration pour concentrer les sucres. Puis après, on fait bouillir. Mais ça, c'est vraiment tout un art. Je vous dirais que mes parents vont dans plusieurs colloques, conférences pour peaufiner leur technique aussi, depuis plusieurs années. Les façons de faire ont changé dans les dernières années. T'sais, quand j'étais jeune puis j'allais à la cabane à sucre, c'était plein de petits pots gris qu'on voyait ici et là, que certains pouvaient prendre comme des iris noires. Oui. Mais depuis quelques temps, dans beaucoup de cabanes à sucre, je dis pas que c'est toutes les cabanes à sucre, mais beaucoup que ça va être juste par un système de tuyaux qui vont passer. Mais la tubulure, ça fait en fait très très longtemps. Il y a des gens qui vont choisir de le faire encore avec les chaudières, mais la tubulure, c'est quand même quelque chose qui existe depuis un bon moment. Dans la cabane à sucre, on est allé avec Martin, pas avec, mais aussi. Il y avait des cabanes sur les arbres. Est-ce que c'est juste pour l'apparence? Peut-être, non? Je sais pas. Ben, en tout cas, moi, être ces gens-là, je les réutiliserais pas, là. Au nombre de personnes qui fouillent là-dedans, pour être allé il y a quelques semaines, mon fils a mis les mains dans tous les seaux, là, mais je veux dire... Donc, c'est pour faire beau, c'est pour faire cabane à sucre, peut-être. Faudrait leur demander, ouais, mais j'imagine que moi, dernière cabane à sucre que j'ai été, il y en avait une seule chaudière et c'était sur un faux arbre, c'était sur un poteau. Un poteau de téléphone. Genre, c'est pas une service interurbain, c'est ton... exact. Ton saut, OK, je voulais aussi parler de réduit avant qu'on goûte. Je sais que je vous fais languer. Hein. Oui, pas mal. Je le sais, on parlera de réduit après. Goûtons, j'ai amené, on a amené deux petits pots, Martin Lambert et moi, hein? De tir d'érable, pas de neige. Comme ça, Mathieu, c'est un travail d'équipe. Ben, c'est ça, une chance que tu étais là. Hein? Oui, ben, j'ai parlé à la cabane et tu as transporté la cabane. Ah, voilà, jusqu'à nous. Jusqu'à nous. OK, donc, Marc-Olivier, tu as déjà goûté. Frédéric Simon, est-ce que tu prends ta petite twist? Caroline aussi. Il semble que celui-là, il est plus liquide que celui-là. Les deux sont dans le même frigidaire depuis longtemps. Mais peut-être qu'il y en avait qui Il y en avait un peu proche, moins dans celui-là aussi. Peut-être qu'il était plus proche de l'ice pack, c'est possible. Mais aussi, probablement, étant donné qu'il y en avait moins dans celui-là, il était peut-être par-dessus, il y a eu le temps de. Ouais. C'est pas une question très très. Mais ça doit être la même affaire. C'est intéressant à répondre. OK. Donc, Frédéric va goûter. Je me souviens plus que Caroline. Ça. Oh, Caroline a fait une face de. Mouah, pas sûr, ça. C'est moi, je m'attends à mieux, ça. Ce qu'on qualifie souvent du bon goût de sirop d'érable, c'est ça. OK. Mais c'est un sirop qui est un petit peu brûlé. Brûlé, d'accord. Ouais. Qui tire un petit peu plus sur la langue qu'un. Qu'est-ce qu'un que t'aurais sirop aimé? Qui ne le serait pas. Brûlé dans le sens que t'es bouilli trop longtemps? Ouais. C'est ça. Toi, Marc-Olivier? Sirop d'érable. Ça goûte le sirop d'érable. Bon. Martin? Ben moi aussi, je suis pas en mesure de pouvoir évaluer, mais ça c'est excellent. Ouais, c'est ça. J'adore le sirop. Excuse, Caro. Non, mais en fait, c'est rare, là, honnêtement, qu'on en trouve qu'il n'y a pas ce goût-là. OK. Mais quand on en trouve qu'il n'a pas ce goût-là, pour comparer, là, c'est beaucoup plus doux en bouche. Ça tire un peu moins, c'est sucré, mais ça tire moins sur le palais et sur le côté de la langue. Ah, d'accord. Tu vois, moi, en épicerie, j'achète y a du ambré dans le sirop d'érable. Il y a du foncé. Je préfère le foncé, je crois. Ouais, il y a du doré aussi. En fait, c'est la quantité de sucre par... c'est la densité de sucre là, qu'il va y avoir. Donc, on mesure ça avec la quantité de lumière qui va passer. Puis ça, c'est tout à fait normal là, d'une dans toute une saison de passer du doré au foncé. C'est tout à fait normal. Mais pour un même sirop doré, par exemple, ou ambré, par exemple, mais il va y avoir des goûts différents dépendant comment tout ça a été produit, puis le type d'érable, puis le sol, etc. J'avais préféré le foncé parce qu'il y avait vraiment comme un genre d'arrière-goût que j'aimais beaucoup, de plus sucré encore, on dirait. Mais c'est peut-être juste la cabane, dans le fond, mais la couleur, ça va vraiment avec la saison. Oui, non. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, c'est normal d'avoir plus de difficultés à trouver une certaine sorte à certains moments. Oui, d'avoir un petit goût un peu plus caramélisé, là, ouais. C'est plus typique du sirop foncé, puis ça, c'est souvent, les gens préfèrent ça. Mais ça veut pas dire que parce qu'on a un sirop foncé, il doit être brûlé nécessairement. Là. Il y a moyen d'avoir du sirop foncé qui n'ait pas ce petit goût-là. Oui. C'est Martin qui tente des manœuvres dangereuses près de la console. Martin, la console, voyons donc le respect. J'ai mis ça de la avec console. Les autres choses, là. Ouais, mais l'autre chose est emballée. Ah, je vais l'enlever. Et Martin Lambert. C'est les SAE qui va faire un don si jamais notre console brise, c'est ça? Dieu est grand, Dieu est partout. C'est ça. Je vais parler de réduit tantôt parce que j'ai mentionné le mot réduit. On nous a offert du réduit. J'étais, on dirait, le seul à aimer ça. Les autres autour de moi faisaient, il me semble que c'est pas bon. Est-ce que c'est normal que ça goûtait comme un petit peu les canneberges? Est-ce que du fruit dans les réduits, c'est quoi le réduit? Ben, en fait, le réduit, c'est comme un peu le restant une fois que tout a été. Le sirop d'érable a été filtré. Mm-hmm. Honnêtement, je suis vraiment pas fan. Je suis pas experte du tout des différents types de goûts. Moi, c'est pas un goût qui m'interpelle, mais il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Ah, j'ai bien aimé. J'en boirais beaucoup de ça. Donc, résultat, je pense que tout le monde a aimé, même si on n'est pas sûr de il savoir un comment il est brûlé. Brûlé, c'est ça. Ouais, il y a un goût de brûlé. Hein. C'est fumé, hein, comme le poisson. Hein. Fred Simon a vraiment comme gratté le fond. Fait que je pense qu'il aime ça. Il y en avait beaucoup moins que dans l'autre. Okay. Mais ça veut dire un gros pouce en l'air, ça veut dire. Pour ça, oui. Marc-Olivier, un pouce en l'air aussi. Si tu veux, oui, un pouce en l'air. OK. Caroline, côté en bas, droite. Ben, j'ai goûté vraiment pire, là. C'est correct. C'est pas extra, mais c'est correct. Donc, sur le côté, j'en déduis. Sur ouais, le côté. C'est ça, question. Comme ça. La couleur, tu dirais, c'est quoi, doré, celle-là? Ambré, début ambré. Début ambré. Mais c'est parce que ça a été retravaillé, là, ça a été recuit pour faire la tire. Là, donc, et ça a été mis sur la neige et donc dilué et un paquet d'autres affaires, peut-être, non? Mais ça a été mis dans un pot par Martin. Là, ben. Il goûte un peu différent du pot qu'on avait, celui-là, je trouve. Oui. Ah, c'est possible. Il était meilleur, le petit pot qu'on avait, personnellement. Bref. J'avais amené le beurre d'érable, si vous voulez goûter aussi. Est-ce que je te le lance? Non, je te le lancerai pas. Je vais te le donner. Pendant que Martin a livré son prochain produit qu'on va goûter, ça a l'air très chaud. Ça a l'air viandeux. On dirait un riz frit. En fait, c'est pas très chaud, c'est chaud. Viandeux, oui, c'est des mets du sud. Du sud! Ou un mets de... C'est comme un dérivé d'un mets du sud. C'est ça. Après avoir mangé un mets du nord, on va déguster un mets du sud. J'ai hâte d'avoir l'appréciation du mets du sud. Il y a une petite touche personnelle. Ah oui? Vous saurez sûrement la goûter. On va en parler tantôt. Sinon, là, on est en train de goûter le beurre. Que ça, j'avais pas le choix d'acheter ça. J'ai vu qu'ils vendaient du beurre. Le beurre d'érable, c'est la meilleure chose au monde. Et moi, je l'ai bien aimé, celui-là. Ça goûte pas pantoute, là, ma peau spread. Hein? Moi, j'adore le beurre d'érable, personnellement. Ouais, je sais pas si vous souhaitiez goûter. Bon, éloigne ça de moi. Éloigne ça de moi. Hey, je suis tellement d'accord avec toi. Hey, tu sais, à la cabane à sucre, quand ils te donnent ça devant toi, il y a comme pas vraiment de limite. Ils vont en ramener d'autres. Mm-hmm. Oh, oui. J'en mettais épais, là. Ce matos cuite sur le four, sur le... C'est vraiment très bon. Moi, c'est comme quand ils amènent le dessert à cabane à sucre. Là. Oh! As-tu vu la face de Caroline? Qui fait comme... Je vais vraiment avoir l'air bourgeoise de l'érable là, ce matin, mais ce sirop-là est encore plus brûlé et le beurre est grumeleux. C'est bon là, du beurre d'érable dans la vie. Personne, je pense, peut ne pas aimer ça. Mais celui-là, je vous dirais que... Pousse en bas! Il manque un petit peu de douceur là, dans la façon de le produire, de le travailler. Je suis extrêmement content d'avoir invité Carla juste pour cette chronique-là, c'est incroyable. Oui, la bourgeoise de l'érable, elle va avoir un nouveau surnom dorénavant. En tout cas, moi, je l'ai aimé. Est-ce que Martin a aimé le beurre d'érable? Oui, j'ai aimé ça moi aussi, mais je suis pas en mesure d'évaluer comme Caro là, la texture puis les subtilités. C'est sa catchphrase, ça, on depuis... est quatre plébiens avec une patricienne. Là. C'est ça. Pas une patricienne? C'est à l'époque romaine, il y avait les patriciens et il y avait les plèbes, la plèbe. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. C'est quoi l'autre péripatéticienne? C'est quoi ça? C'est une prostituée? Ouais. En fait, les patriciens, c'est comme la noblesse, puis le reste, c'est le peuple. Au final, okay. C'est ça. Wow, fait qu'on a la noble du sirop d'érable, puis t'as la plèbe du sirop d'érable. C'est nous, ça. Oui. C'est nous. High five! On l'assume et on déguste. On déguste, on déguste. Bref, pouce en l'air pour le beurre d'érable pour moi. Martin Lambert, Félix Simon, Marc-Olivier et Caroline, moi méchante, vers le bas. C'est pas blessé, c'est difficile. C'est ça. Martin, est-ce que tu te rappelles du nom de la cabane à sucre pour qu'on lui fasse une petite plug quand même, là, même si on a payé pour ses produits-là? Non, je m'en souviens pas. C'est Marcel. Ouais, c'est ça, c'était Marcel. Chez Dani. La Fortune. Champlain, quelque chose. Ouais, hein. C'est ça dans la ville. Saint-Prosper. Saint-Prosper. Ouais, ah, c'est de Champlain. Saint-Stanislas, Saint-Prosper. Marcel. Merci Marcel. C'est ça, merci Marcel. Merci Marcel. On transitionne maintenant avec Martin Lambert. Comme on l'a dit tantôt, c'était chaud et viandeux. C'est ça, c'est le résumé de la chose. Il a versé ça dans son thermos, dans son petit couvercle de thermos qui sert des fois pour la soupe. Hein? Et il a même amené des cuillères, des petites cuillères, quand même. Ça sent bon, en tout cas. Mieux que des fourchettes dans mon tiroir depuis des mois. Alors, mets du sud, mets mexicain. Il y a une touche personnelle, donc j'ai hâte d'avoir l'appréciation. C'est fait de ce matin, donc on peut pas dire que ça l'a vieilli tellement. C'est, mais c'est, selon moi, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire ton ingrédient secret seulement à la fin, juste pour moi? Oui, à la fin, seulement à la fin. Seulement à la fin. Je vais goûter moi aussi celui-là. Je vais déjà goûter au beurre. Mais... Merci, Moi, j'adore. Merci. Est-ce que j'ai une cuillère, moi aussi? Juste une cuillère? Assurément, tu es mon rhume avec ça tellement c'est épicé. Qui a une ustensile pour moi? Une ustensile, merci. Voilà. Une ustensile, alors, voilà. Merci ça, apparemment, qu'ils sont propres. C'est okay. Bon, pour vrai. C'est fait avec du bœuf haché. Ça allait un peu, hein. Mais c'est bon. Bœuf haché et on va voir l'ingrédient secret. On va essayer de le déterminer, en fait. Hein. C'est les tacos! Tacos! OK, je goûte. Oui. Oh, c'est vraiment bien. Bon. Oh, c'est même c'est piquant. Piquant? Pouf. Ben, sur le bout de la langue. Non, mais je mangerais piquant dans la vie. Ça va descendre le creux de la langue. Oh, wow. Okay. Mais dans la vie, je mange très piquant. Fait que, tu sais, moi, ça me dérange pas trop. Non, mais je ça, veux c'est... plus le très salé. J'ai beaucoup mangé piquant dans ma vie, un peu moins de ces temps-ci, mais je trouve que moi, c'est piquant. D'habitude, je trouve rien de piquant. Fait que ça doit être quand même un degré plus élevé que la moyenne des gens. C'est quand... je sais un peu. Un peu. Ah, c'est quand même piquant. Moi aussi, j'aime ça manger épicé. Ouais. Mais bon. Mais c'est vraiment très bon. On sacrifie pour les brûlements d'estomac. Qu'est-ce qu'on dit que c'est l'ingrédient spécial? Est-ce que c'est du poivre de Cayenne? Non, c'est une sauce. C'est une sauce en pot achetée. C'est de l'extrait de jalapenos. Oh! Qu'on rajoute que moi, j'adore, là, que je rajoute dans les sauces, mais c'est très très fort. Quand j'en mets trop, je suis plus capable de manger. Fait que là, je l'ai dosé un petit peu, juste pour rehausser le goût du taco, je trouve que ça lui rend plus justice, considérant que c'est un mets du Mexique. Là, donc, ouais. Moi, je trouve ça un peu plus. Et j'aurais pu ajouter, mais là, j'ai pas voulu parce que ça aurait été trop. Mais j'ai des jalapenos que je cultive moi-même. Ah, pour vrai? Ah, oui. Que je coupe en petits morceaux. Quelle couleur? Ils sont jaunes, ils sont rouges, ils sont verts, mais les rouges, plus particulièrement les habanos rouges, jaunes, là, c'est excessif. Mais là, on aurait pu parler. Là, c'est vraiment. Où est-ce que t'as tué ton bœuf? T'as trouvé ton bœuf? Je l'ai assassiné à coup de machette en revenant de la cabane à sucre. Il y avait un enclos de bison, t'as pas vu? Il y avait un enclos de bison, celle-là. Marcel? Ouais, ben, c'est pas c'est à Marcel. C'est là, à Marcel aussi. Il y en a en masse, il y en a encore. Là, j'en ai ah ouais, ben là, Colin, je pense qu'on va. Mais on amène un dîner au déjeuner. Non, c'est ça, on amène un dîner au déjeuner. Alors, une petite sauce rajoutée spéciale pour rehausser le goût. Hey, si tu veux, tu donneras la recette. Ben oui. Si tu veux te lancer dans la préparation de burrito pour acheter une troisième option à la chasse-galerie, là, après bacon, saucisse, et là, il y aurait burrito au tacos. On fournira pas. Non, ça serait bon. Non, ça, on fournira pas. Mais c'est pas trop compliqué à faire. Là, dans une grosse poêle, c'était caché, de l'eau. Mais tu es un gars d'expérience. Ah, oui, ben oui. Un gars d'expérience. Je suis la recette, puis je rajoute un peu. On va saluer Ricardo aussi, c'est ça. À manger, bon appétit. Hey, merci. Martin Lambert. Martin Ricardo Lambert. C'est bon, j'en reviens même pas. Bref, pouce en l'air. Pouing. Tout le monde pousse en l'air. Caroline aussi. J'en mets deux. C'est de la Mapo del Paso. Là. Mapo del Paso? Et Old del Paso. Old del Paso. Old del Paso. C'est quoi le slogan de ça? Old del Paso. Mucho plaisir ce soir. Mucho plaisir ce soir. C'est vraiment ça? Oui. C'est mauvais. Mucho plaisir ce soir. J'aurais pu faire mieux. Mais bon. En tout cas, merci mucho. Martin. Mucho mieux. Ça me fait plaisir. C'est très bon. Ensuite, tiens, on a d'autres produits. Là, on regarde ça. Là, il faut qu'on boive quelque chose parce que tantôt, Marc-Olivier Dumas a fait référence à une grosse pinte en dresse comme si on allait faire juste ça aujourd'hui. Je me suis dit qu'on allait pas faire juste ça. Non. La dernière fois, on l'avait fait avec juste de l'alcool. Là, j'ai amené seulement une bouteille parce que, Colin, je suis à pied puis mon sac était lourd. Mais. Et puis j'ai peut-être bu les autres aussi. Mais j'ai apporté les Henry's Hard Soda. Ooh. À la liqueur. Pas à la liqueur, mais à l'orange. C'est fait avec du sucre de canne. C'est une boisson de malt alcoolisée. On l'a dit souvent à l'émission que je ne préfère pas souvent le goût du malt. J'avais apporté ces boissons gazeuses-là à la cabane à sucre. Donc, c'est ce qui a accompagné mon ma tire d'érable. Fait que là, le goût comme va ensemble maintenant. C'est comme matché ensemble. J'ai pas le choix. Et j'ai apporté donc la dernière bouteille qui me restait. C'est du 4,2% d'alcool à l'orange forte. J'ai pas trouvé ça si fort que ça. C'est juste assez plaisant. Ça goûte un peu comme un screwdriver. Vous allez voir. Donc, je vais vous laisser goûter ça. Par contre, Martin Lambert, tu me connais, tu sais que je suis pas bien préparé. Tu peux me souffler à l'oreille si tu peux m'aider là-dessus, si quelqu'un d'autre peut m'aider là-dessus. Est-ce que quelqu'un a un ouvre-bouteille? Oui. Marc-Olivier Dumas, je ne suis pas surpris. En fait, dans mon manteau, en fait. Je pense qu'on a déjà même fait cette référence-là en onde du fait que Marc-Olivier Dumas était prêt à la chronique alors que moi je l'étais pas, alors que j'ai pourtant des années et des années d'expérience. Ah, ok, je pensais, que Martin voulait me serrer la main, il voulait juste que je passe la bouteille. Il s'en fout de serrer ma main, tu sais. Puis moi, je veux pas de micro, Martin. Donc non, les deux se sont battus. On est assez pisés, on vient de se pimenter. Là. On s'est pimenté la gorge. Merci beaucoup à vous deux, peu importe qui a finalement ouvert la bouteille. J'ai des verres, ça, par contre. Je suis au moins équipé de verres. Je suis pas équipé de grand-chose, sauf dans le porte-clés. Pour répondre à tantôt, oui, je suis toujours équipé. Avec mon porte-clés, vient mon ouvre-bouteille. Mm-hmm. Parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on peut tomber sur une bouteille décapsulable. You never know. Never know. Never know. J'ai des verres de la Chasse Galerie, je te lance ça. Marc-Olivier, toujours prêt à attraper en plus. Aujourd'hui, on n'a pas de micro magique, donc tout le monde a un micro magique, dans le fond. Magnifique. Oh, il a fait l'attraper! C'était beau, ça. Il a rebondi dans mes mains plusieurs fois. C'est un extrait qu'on ira voir au ralenti maintenant. On n'a pas la possibilité de faire ça. C'est bon. Non, on n'a pas l'instant replay. On n'a pas ça. Le système Hawkeye. M'a peut-être arrangé ça. After viewing the play, the Colin Field stand, it's a catch. Après avoir revu le jeu. Je comprenais plus les gags de Cal Carmoni la dernière fois qu'on s'est parlé. Cal Carmoni, Birdie! Petit oisillon! C'est ça en français, un oisillon? Un oiselet. D'accord. Vous êtes versé vos verres. Boisson Henry's Hard Soda à l'orange. Goûtons tous. Ça sent l'orange croche. Ben oui, c'est ça, c'est l'inspiration. Est-ce qu'on va goûter le malt? Je goûte l'orange croche. Tu goûtes l'orange croche et t'as peut-être l'effet de l'alcool qui va venir plus tard si t'en bois assez, on sait pas. T'as besoin de pas mal plus que juste une portion de. Ouais, c'est ça. T'es habitué, là. Il y a un autre bouteille dans la poche. T'as besoin de plus que ça. Hein? Frédéric? Je trouve que ça goûte pas grand chose. Ça sent juste le fond de peau de vitamine C, genre. L'orange en poudre. Carolane? Ça me fait penser au Bacardi Breezer, oui. En moins sucré. Oui, oui, définitivement. Mais on goûte pas beaucoup l'alcool. En fait, non, il y a très peu de goût. On sent l'orange, mais... Je suis très d'accord avec toi. Le Bacardi à l'orange serait vraiment plus approprié à toutes les occasions parce que c'est délicieux, du Bacardi à l'orange. Même si c'est au malt, encore une fois, parce que je l'ai dit, j'aime pas trop le malt. J'aimerais mieux une boisson à la vraie vodka et ça, faut aller en SAQ pour en acheter. Hein. Oui, parce que si t'essaies de vendre de quoi pas de mal dans des panneurs, ben ça se peut que ça passe pendant une couple de temps avant de te faire enlever. C'est ça. Martin? J'ai encore ça 12.4%. Ouais. Ça goûte l'orange, je dirais. C'est ce que je goûte le plus. Je goûte pas d'alcool. Je goûte pas. Non. Mais je goûte pas le hard soda non plus, non. Comme c'est écrit. Je trouve ça ressemble vraiment à du orange croche, mais en plus doux. Tu sais, l'orange croche, le goût va être un peu plus fort. Là, on dirait que. C'est comme calmé. Mm-hmm. Puis on le goûte pas vraiment, l'aspect malt. J'ai tenté l'expérience avec la orange. J'ai quand même bien aimé. C'est le genre de choses que je boirais parce que je trouve ça bon, le liqueur à l'orange. Puis tant qu'à ça, un petit peu d'alcool, ça te met de bonne humeur. Mm. Mais ils ont aussi une version au raisin qui m'intrigue aussi. Je l'ai pas encore acheté parce que j'ai acheté en caisse, mais ça va venir. Donc, raisin ou orange pour le Henry's Hard Soda. Mm. L'orange en ce moment. Pouce. Moi, je vais le mettre en là. Oh boy. De côté pour moi. Côté pour Frédéric, en bas pour Marc-Olivier, sur le côté pour Caroline, en bas pour Martin. Il n'y a rien de bon là-dedans. Bon, OK. C'est j'en okay. Achèterai pas personnellement. Non, vraiment pas. C'est drôle parce que sur la bouteille, il y a comme des pouces en l'air. C'est vrai? Oui. Fait que, bon, on a un total de 3 pouces en l'air, 2 pouces de côté, 2 pouces. Oh, mais Fred, quand on la voit, les pouces deviennent en bas. Oh! Il y a ça. Bam! OK, donc ça, c'était pour le hard soda. On va prendre une petite pause. On va revenir avec d'autres choses à déguster au retour. Il nous reste de la dernière demi-heure. Restez là. Toujours à Assemblage Requis, on se jeudi 26 avril 2018. Je m'appelle Mathieu Plante, Tania Baudin, congé aujourd'hui. Pour la remplacer, Frédéric Simon. Bon matin. Et Marc-Olivier Dumas. Bon midi. Bon midi, come on, 9h43. C'est quoi ça? Il est midi à quelque part dans l'océan Atlantique. Toujours, c'est pour ça que t'as toujours des bouches-bouteilles dans tes pantalons. Voilà. ainsi qu'aussi un truc pour déboucher les bouteilles. Ça va. Oh, attends. Tu as compris le gag? T'as pas... C'est un gag, c'était inapproprié. On continue avec une autre portion d'une grosse prétendresse. Une grosse prétendresse. Une grosse prétendresse. Une grosse prétendresse. On t'a à radio, là. Des fois, je me demande pourquoi on t'a mis. Collègue. Et que Caroline Rouillard a fait la même face que lorsqu'elle a mangé tantôt le sirop d'érable qu'elle a pas aimé parce que c'est pas dans sa famille. Quand j'ai fait ce gag-là, elle a fait comme « Non, c'était ton dernier jour. » Pouce en bas, hein, pour la blague. Ouais. Le gros prétendresse, c'est la chronique qu'on mange, déguste quelque chose qui nous vient d'un magasin, d'un dépanneur, d'une pharmacie, peu importe, de l'endroit, d'une rangée malsaine. On continue dans la même lignée que tantôt. Tantôt, on a goûté à de la cire d'érable, on a goûté à de la liqueur à l'orange hard soda. Et là, on continue en soft, qu'on devrait dire. Ouais, hein? Soft, pas mal soft. Hein. La prochaine chose, vous allez voir, c'est quand même assez simple et c'est pas vraiment froid parce que c'était pas dans le même sac que les autres. Mais Vitamin Water a sorti une version eau fruitée pétillante. Oh! À la place d'avoir juste Vitamin Water, c'est flat d'habitude. Là, ils en ont fait des pétillantes. J'ai apporté la saveur cerise noire et vanille parce que c'est celle qui m'attirait le plus. J'aime beaucoup et la cerise noire et la vanille. Sinon... c'est marqué qu'il y a des saveurs naturelles. C'est légèrement sucré. C'est fait avec un mélange de 5% de jus de cerise noire et de poire. Et c'est fait de concentré. 5% de vrai jus, faible teneur en calories, arôme et colorant naturel. Excellente source de vitamines B3, B5 et B6. On va pouvoir remplir sa rangée des B sur la carte de bingo. Puis combien qu'on vend ça en épicerie, cette petite bouteille de 500 ml là? Je suis pas aussi, cheap que toi, Marc-Olivier. J'ai pas vérifié les prix. Toi qui tantôt dans le c'est toi qui l'as acheté. C'est moi qui l'ai acheté, mais tu sais, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça a du potentiel à être bon et non pas le prix. Mais tu sais, acheter en épicerie et les bouteilles de peu importe qu'est-ce que tu achètes à l'épicerie, c'est tout le temps genre 3,79 des prix par rapport. Là, t'sais. Alors quand tu l'achètes ailleurs, des fois c'est pas mal moins cher, mais il me semble que c'est dans le coin de 2,79 si je me rappelle. Si je me rappelle. T'en as versé à tout le monde. Caroline est en train de s'en verser aussi. On va espérer que sa face va avoir un petit bonheur à quelque part là-dedans, même si c'est pas assez froid. Toi, Mathieu, tu vas t'en servir aussi. Ah, je me sacrifie beaucoup aujourd'hui. Hein. J'ai pas goûté à rien qu'en fait à part le chili. Merci. On veut préserver la console malgré. C'est ça. Tu l'as pas bouché au complet, une chance, fais attention. J'ai pas bouché au complet, mais j'avais bouché assez pour pas que ça tombe. C'est ça. Ok, donc on voit les petites bulles, une petite surface de mousse sur le dessus. Ça sent les jujubes. Hey, t'as raison, ça sent les jujubes aux framboises et non pas aux cerises, quasiment. Ben, ça sent bon, mais le goût, là, j'ai vraiment peur. On y va avec le goût? Ça s'approche de ce qui se faisait déjà avec la vitamine water. En fait, c'est la même chose. C'est juste qu'ils l'ont passé au SodaStream. Exactement. Est-ce que vous trouvez vraiment que les bulles servent à quelque chose là-dedans? Absolument non. Pas. Pour vrai, je pense que pour quelqu'un qui préfère boire, mettons, du Perrier ou de l'eau pétillante. Ce qui est mon cas, pour vrai, je suis vendu aux bulles, je ne bois que des bulles dans la vie. Ben, à ce moment-là, peut-être que ça serait un meilleur choix pour toi que le vitamine water normal, mais dans les faits, j'ai l'impression de boire le vitamine water passé au SodaStream. Oui, c'est vraiment ça. Je suis d'accord avec toi. Et étant un fan d'eau pétillante, je me serais attendu à faire un pouce en l'air, mais je vais y aller avec un pouce sur le côté pour ça. Et vous? Pouce en bas. Pouce en bas pour Caroline. De côté. Côté Fred. Côté Marc-Olivier. T'es sévère, hein, Caroline? Mais c'est correct. C'est bon d'avoir quelqu'un parce qu'on est tout le temps trop gentil dans cette chronique. Je veux dire, si je connaissais pas le produit, ça serait un pouce en bas, mais le goût du produit de base, Vitamin Water, ressemble à ça. C'est juste que pour de l'eau pétillante. Et même, je pourrais rajouter que est-ce que vous goûtez la vanille? Oui. Un peu. C'est de la vanille artificielle. Ouais. Ça a un arrière-goût, mais en fait, je comprends pas pourquoi on paierait pour une chose comme ça. L'eau pétillante qui goûte pas très bon, qui est emballée dans du plastique. Tu sais, prends ta vitamine B ailleurs. Hein? Ça, tu sais. Oui. Complète ta carte au complet en plus. Ça, c'est de la B3, B5 et B6. Excellent. Il n'y a pas B12 aussi? Il n'y a pas B12. C'est 40 calories par bouteille, donc pour ceux qui font attention à ces affaires-là, légèrement sucré. C'est, moi, je trouve pas du tout sucré, mais. Non, c'est assez fade. C'est fade. Ouais, c'est ça. Ben, comme je dis, Vitamin Water, c'est déjà quand même fade, mais on dirait que les bulles, au lieu de rajouter du goût, vont juste rendre un peu plus fade la boisson. C'est pas des bulles efficaces. Je sais pas comment ils se sont pris pour mettre les bulles dans leur bouteille. Ils ont mal bullé. Ils ont mal bullé. Ils ont fabulé. Hey! Tu dois. Ping. Voilà, c'est tout. Je pense que j'avais. Est-ce que j'avais d'autres choses? J'ai pas vraiment grand chose d'autre. Est-ce qu'on goûte encore? Non, on est allé goûter. On a goûté du popcorn comme 6 fois la semaine passée. Est-ce qu'on y va avec du popcorn? Popcorn. Popcorn. Il y avait juste moi la semaine passée après toi. C'est vrai. T'as raison. Donc, j'ai apporté le Smart Food Tentation. Ouh. Au filet de chocolat au lait et de caramel. Ça pourrait être bon. Ça pourrait. Ça pourrait être bon. Smart Food Indulgence en anglais, donc Tentation en français. Et puis, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur, sur le côté, sur le derrière, la marque de maïs soufflé préférée au Canada. Ok, parfait. Vous offre une gâterie divine et alléchante pour une durée limitée seulement. Ok. Nous avons garni notre maïs soufflé fait de grains entiers à 100% d'un double filet. Oh. De saveur de chocolat. Pas de chocolat. De saveur de chocolat. Mais double. Double. T'sais? Au lait véritable et de caramel crémeux pour créer une gâterie sucrée-salée absolument délicieuse. Ils en ont aussi à la saveur de... est-ce que je suis capable de lire? Framboise et... C'est écrit trop petit. Framboise, c'est quelque chose d'autre. Je te lance ça. Ah oui, non. Smart Food, Tentation, filet ça, de chocolat. La semaine dernière, on a goûté le popcorn à la sriracha. Oui, qui était très fade. Ça, si vous trouvez le Vitamin Water fade... Chocolat noir et framboise, by the way. Chocolat noir et framboise, ça pourrait être bon ça aussi, mais je l'ai pas vu en épicerie. Mais bon, ma blonde étant fan de Sriracha, le sac a disparu une fois qu'il a été rapporté chez moi. Donc, il est tellement fan de Sriracha qu'il l'appelle Chéri Racha tout le temps. Tout le temps. T'en as pris combien? Marc-Olivier, là, il écoute pas, hein? Je t'ai dit d'attendre avant de manger, espèce de tannant. Tu l'as pas dit ce coup-ci? Non, c'est ça, à chaque fois, il faut que je le dise, c'est bon. Oui. Fred, côté look, est-ce que c'est beau? Ça, on dirait qu'on a échappé les Reese dans le fond d'un sac de popcorn. Est-ce que tu vois le double filet de saveur de chocolat au lait? Je vois le premier filet de chocolat, okay. Et je vois un filet de caramel. C'est vrai, un petit filet quand même, sympathique, c'est joli. Je vais m'en prendre plus qu'un, attends un peu, je vais en prendre au moins 3, 4, 5, 12. Hein? C'est ça, ben oui. Bon, et là, tout le monde surveille la face de caramel. Ouais, ok. Je l'achèterai pas. C'est pas une explosion de saveur. Hein. Ça goûte comme un peu, à peine. C'est correct, c'est subtil. Ça salit énormément les doigts. Ouais, c'est ça. Y a pas de. Le côté salé est pas assez présent, je trouve. Pas présent du tout, en fait. Ou trop coupé par le goût sucré. Ça dépend du morceau que tu pognes. Parce que j'ai pogné un morceau où il y avait vraiment une lisière, quand même, de caramel. Ça, c'était bon. Puis, comme Caroline l'a dit, ça salit beaucoup les doigts. Parce qu'au final, c'est un semblant de chocolat qui fond sur les doigts. Fait que quand tu manges ça, c'est un morceau à la fois et non une poignée au complet. Je vais vous distribuer un demi-Kleenex. Mais décidément, si vous voulez quelque chose dans le genre, allez acheter le popcorn qu'on a goûté la semaine dernière. C'était chez Vice Versa. Gâteau de fête et biscuits et crème. C'était la marque Provigo, ouais. C'est ça. Ça, c'est vrai que c'était vraiment bon. Puis eux autres, tant qu'à en mettre, ils en mettent. Puis une marque que j'aime bien, c'est la Monkey aussi. Bad Monkey est vraiment bonne. Ouais. Tu sais, je me demande, ils se basent sur quoi pour dire marque préférée des Canadiens? Ben, peut-être qu'ils font plus de sacs, puis j'avoue que peut-être que c'est une marque connue, Smart Food, j'imagine, dans le domaine de... Moi, j'ai l'impression qu'ils écrivent tout ça, puis c'est pas vrai. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, quand il y a une petite étoile à côté, puis qu'il dit genre, c'est... Ah, ben, OK. Frédéric Simon vient de trouver qu'il restait un petit fond de tir d'érable. Ah, mais c'est considérablement. Considérablement. Assez pour une bonne fourchette, ben, oui. Comme on appelle. Ben, il me semble deux fourchettes, genre... Ma fourchette. Écoute, j'ai été manger une fois à la cabane à sucre cette saison. Mm-hmm. J'ai pas été. Et on a tellement trop mangé qu'on a skippé la tire à la fin. Oh non! Sacrilège! Faut pas faire ça. Faut tout le temps, même si t'as plus faim, y aller quand même. Écoute, fallu que je me retienne pour ne pas être malade. Mm-hmm. Mais en même temps, tu veux être malade de ça, c'est tellement bon. Moi, la dernière fois, j'ai été à la cabane à sucre avec un certain Herménégil. Oui! En 1905! C'est ça. Non, c'est une cabane à sucre où... fallait qu'on envoie une personne par groupe faire un show et notre ami, lorsqu'il s'était fait poser la question « Comment tu t'appelles? » il avait répondu « Herménégil ». OK. Bon. Mais déjà qu'il y a un nom qui est assez peu commun parce qu'il est d'origine grecque. Mm-hmm. Donc, on s'attendait, bon, est-ce qu'il va dire son vrai nom ou est-ce qu'il va dire un nom inventé? Ben, il a dit un nom inventé, mais c'est allé avec Herménégilde. Herménégildos. Ils ont, je pense, des Herménégildes dans ces pays-là, mais l'équivalent d'un nom vraiment arriéré. Mais tu sais, après ça, quand c'est Herménégilde, puis là, l'animateur te demande d'encourager en criant son nom. Là, on est une gang, puis on fait Herménégilde. C'est long, hein? C'est ça. Oui. Puis tu facile. Donnes quoi comme prénom, de toute façon? Herm. Herm. Herm. Herm. Non. Hermé. Je sais pas. Nige, non. Ça fait pas très Gilles. Contemporain. Non, Gilde. Méné. Ça s'appelle Gilde. Méné, Méné. Tu vas dans le milieu, Méné. Méné, oh boy, ben oui, j'avoue. Ça. Let's go, Méné, mon petit Méné. C'est sûr que ça a déjà été fait, mais oui, c'est, j'approuve, c'est ça. Méné. Méné. Méné. Méné, faut bien qu'on arrête cette chronique-là aussi. Ouf. Parce qu'on a assez mangé. Hein? On est rassasié. Pour l'instant. Pour je veux plus de bœuf haché. Ouais, mais il est parti avec. C'était son dîner, je là. Sais, ouais, ah, c'est pour vrai. Il va falloir être raisonnable. On lui a enlevé la moitié de son dîner. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, je pense que c'était prévu, mais le reste, si on en avait pris plus, on prenait son dîner. Donc, il était vraiment bon. Vraiment. Merci beaucoup, Caroline Rouillard, d'être passée. Ça me fait plaisir. C'est le fun. Merci à Martin Lambert aussi. Mm-hmm. Merci à Frédéric Simon, Marc-Olivier Dumas. Ça fait merci plaisir. À toi, Mathieu. Ben, ça fait oui. plaisir. Écoute. Ben, oui. Il va nous rester la conclusion de l'émission dans quelques instants. Avant ça, par contre, on écoute Octoplot. Voici Le Calme. Je me sens pas brisé, ah. Octoplot avec le calme pivot à Sondage Rocky. C'est là-dessus qu'on termine ça. Merci encore une fois à Frédéric Simon. Merci à toi, Mathieu. Merci à Marc-Olivier Dumas. Merci, Mathieu. D'avoir co-animé avec moi les deux derniers jours. C'était super le fun. Ça fait plaisir. Merci aussi à Sébastien Evgartin qui a co-animé mardi. Merci à David Ferrand qui a co-animé lundi. Merci, Caroline Rouillard, d'être passée. Ça m'a fait plaisir. Merci à Martin Lambert. Merci à Mathieu Janvier pour sa chronique Jeux à Gogo. C'était cette saison d'Assemblage Rocky. On se retrouve éventuellement. Merci d'avoir été là. Et bye bye. Bye bye. Bye bye. On se retrouve sur YouTube aussi.